C'est Fun Radio, bonjour tout le monde, 6h26, c'est bon réveil. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël à la radio, donc jusqu'à 9h30 avec pas mal de sons ce matin. Ina qui va arriver avec Juan Magan, on aura aussi avant 7h du matin le son de Florida, de Lady Gaga également. Et puis plein de jeux ce matin aussi avec, je vais d'abord dire bonjour à Julie hein, qui est en pleine forme. Mais oui, en pleine forme, bonjour Mickaël, tant mieux, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Tu as encore une petite mine hein. Ouais, je sais, mais j'ai encore la tête à côté de mes pompes là. C'est un petit peu compliqué ce matin encore. Mais bon, c'est pas grave, ça va arriver hein. De toute façon, je vois sur le groupe Facebook que je ne suis pas le seul à être à côté de mes pompes ce matin. Donc ça va, ça me rassure un petit peu. Love va bien aussi, qui est en pleine forme et à l'heure surtout. Ouais, tranquille, ça va. Profitons-en, il faut pouvoir nous y aller. Bon, il est venu en courant, hein, c'est pas pour ça. T'as pris l'ascenseur ce matin? Non. Je l'ai appelé en fait, puis je me suis dit non. Bah, le temps qu'il arrive, je vais être en retard, ça sert à rien. Toff, elle est également en pleine forme aussi. Attends, je me mets à côté de mes pompes aussi. Voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je suis dans le mood de l'émission. Bah écoute, bah tant mieux, bah c'est parfait. Julie, ça fait marrer, un truc à la fond comme ça. Mais il enlève ses chaussures, c'est marrant. Ah, oui, c'est drôle, ouais. Ah, d'accord. Bon, merci Julie. Bon, on parlera tout à l'heure évidemment de la grande émission d'hier soir, évidemment, de Voice. On parlera pas de Voice? Il n'y a pas eu grand chose? Bah, il y avait beaucoup de très bons chanteurs. Bah, Julie en parlera. Quoi. Ouais, bah, Julie en parlera parce qu'elle a tweeté, hein. Ah, évidemment. Bah, elle a tweeté, tweeté. J'ai pas tellement tweeté. Oh, tweetouillé maintenant, alors, c'est un nouveau mot, ça tient. Je tweetouille, tu tweetouilles, il tweetouille, nous tweetouillons. Demain j'ai une chanson spéciale pour Julie. Ah bah très bien, ça, bah, elle est impatiente. Une découverte mondiale, c'est le nouveau tube de l'année. Elle est déjà impatiente. On aura plein de jeux aussi ce matin évidemment. Le Free Code Game, nous aurons ni oui ni non, ni vous verrez bien nouvelle version. Nous aurons également un petit jeu là. Serez-vous plus intelligente qu'une Miss avec une guest? Oui. Eh oui, avec une guest ce matin. Ophélie, est-ce que tu sais qui sera la guest? Je sais pas. Ah ouais, au contraire, m'aurait donné, tiens. Bizarre. Bon bah ce sera la guest tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vous dis, moi, vous verrez bien. Et puis bien évidemment l'info avec Julie, sans oublier eh bien, les cadeaux, les remboursements de factures spéciales soldes. Pour vous inscrire, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant. On appellera quelqu'un à 7h10 tout à l'heure. Si vous voulez vous faire rembourser vos factures de soldes jusqu'à 50€, c'est-à-dire que vous ayez déjà fait les soldes ou pas encore, on vous rembourse 50€. Point barre. Il suffit simplement de nous envoyer votre message au 6322, le débuter par solde, par facture, pardon, et puis vous mettez solde. Et puis on vous rappelle hein, d'ici une grosse demi-heure pour vous rembourser justement vos factures. Bonne chance et bien entendu les iPod Shuffle ou encore les Icewatch qui seront à gagner avec notamment la devinette qui colle. Si vous avez une idée de la devinette qui colle de ce pour matin. Pour l'Icewatch, ma soeur a demandé si elle pouvait avoir une bleue, c'est possible. Bah il va falloir qu'elle joue, puis après si elle gagne, il aura peut-être une couleur éventuellement. Non, parce qu'elle avait, elle en a déjà trois donc. Ah oui, donc elle fait la collection. Ah oui, la blanche, okay. La rose et la transparente. D'accord, ok, bah qu'elle joue et puis on verra bien. Oui, il y a une transparente qui existe aussi. Hein. Bon, c'est une grise, tu vois un peu la peau, elle est pas complètement transparente quoi, Ouais, enfin mais... translucide quoi. Ouais, voilà. Mmh. Bon, si vous avez une idée, quelle est la réponse à la devinette qui colle? C'est un luminaire, il peut être oculaire. Pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il? Un jeu d'enfant, je pense. Ou est-ce que c'est simplement parce que j'ai la réponse sous les yeux? Non, moi je l'ai. Un lampadaire terrestre. Non, ce n'est pas un lampadaire. Ah, oui, il peut être terrestre également, tout à fait. Nous habitons dedans. L'attraction? Non, pas du tout. Si vous avez la bonne réponse, donc 6322, c'est un euro le message. Icewatch ou iPod Shuffle qui sont à gagner. C'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Qui est-il? Bonne chance pour la réponse. C'est dans un instant, c'est Example qu'on va écouter. Mais d'abord, on fait un point sur l'actu à 6h30. C'est avec Julie. Bonjour à tous. Et bonne année. Et bonne année. Un cambrioleur menace deux magistrats bruxellois. Yves Baupin, connu dans les années 80 comme l'un des plus grands cambrioleurs belges, eh bien, il a été identifié comme l'auteur des menaces de mort proférées à l'encontre de deux magistrats bruxellois, Dirk Moeremans et Benoît de Jemep. L'homme surnommé Arsène Lupin belge aurait envoyé ses menaces de mort par fax, qu'il a envoyé depuis son domicile. La police n'a pas eu de mal à retrouver donc son identité. Les policiers auraient même trouvé chez lui une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son intention de tuer d'autres personnes avant de se donner la mort. Yves Baupin serait atteint d'une maladie incurable. Le palais de justice de Bruxelles a été placé en état d'alerte. Cet état d'alerte devrait être maintenu jusqu'à ce que Yves Baupin soit localisé et arrêté. Les prix des habitations atteignent des records. Les prix des terrains à bâtir et des habitations continuent à progresser en Belgique atteignant des records au troisième trimestre 2011. Durant le troisième trimestre, le prix moyen d'une habitation mitoyenne s'élevait à environ 191 452 euros et le prix moyen d'une villa, d'un bungalow ou d'une fermette atteignait 334 000 euros. Quant au terrain à bâtir, il coûtait 106 euros par mètre carré en moyenne. Selon les autorités, ces prix moyens ont progressé de 4 à 5% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Une femme dirigera bien la police fédérale. Sans surprise, c'est Catherine De Bol, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de police pour succéder à Fernand Kuckelberg. Cette décision devra encore être entérinée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais ce n'est plus qu'une formalité. Bientôt, une nouvelle gare à Mons. L'administration wallonne a octroyé le permis unique de la construction de la nouvelle gare de Mons, sollicitée en juin 2011 par la SNCB Holding, Infrabel et la SRWT. Ce permis unique concerne la construction de la gare passerelle qui assurera la liaison entre le cœur historique de la cité du Doudou et les sites des Grands Prés. À l'étranger, alerte au tsunami en Indonésie, un séisme de magnitude 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a été lancée par le centre d'alerte du Pacifique. Et puis au Nigeria, les violences ethniques et religieuses ont une nouvelle fois connu une flambée hier, faisant au moins 11 morts dans le nord musulman et dans le sud. Deux attaques de mosquées en 24 heures ont fait 5 morts et provoqué la fuite de milliers de personnes. Il est 6h32 sur Fun Radio. Excellent réveil. Example dans un instant avec Stay Awake. Et puis nous allons passer maintenant à la météo. Eh bien la journée sera encore grise et brumeuse. On change pas vraiment les habitudes. Cool. Avec même du brouillard par endroit en début de journée. Maxima toujours aussi doux de 6 à 10 degrés. Demain le ciel sera toujours aussi gris. La pluie va faire son retour et on perdra même quelques degrés. Ah ouais, quand même. Que de bonnes nouvelles. Ah oui, que de bonnes nouvelles. C'est génial. Allez, passons maintenant à l'info en plus sur Fun Radio. Alors on parle beaucoup de la crise, hein, mais ouais, visiblement ce n'est pas la crise pour tout le monde. Eh bien le Qatar, la police du Qatar, roule dans une voiture un petit peu particulière, en tout cas la marque. Parce que le Qatar n'est pas en crise. Non, le Qatar n'est pas vraiment en crise. Le Qatar n'est jamais en crise. Non, en tout cas pas pour l'instant, on ne sait jamais. Le retour de bâton. C'est vrai. Eh bien maintenant, ils ont décidé qu'ils allaient rouler en Porsche. Mais oui, mais ils ont raison. Donc, mais voilà. Qui se passe plaisir. La police du Qatar roule dans les modèles Panamera et Cayenne. Et oui, donc, des véhicules. Coûte quand même 100 000 euros. Oui. Hein, bah, c'est presque bien. Rien pour ce pays qui est enrichi grâce à son gaz. Hein. Donc, exactement. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent. Et donc voilà, donc, je pensais qu'il était important de souligner que nous roulons en. Je ne sais même pas la marque. Il y en a qui roulent en Audi hein, aussi, la police. Oui, c'est vrai, ou pas mal en Volkswagen aussi. Enfin, en tout cas, maintenant, le Qatar a décidé de rouler en Porsche. Et je pense que c'est bien en ces temps de crise de montrer un petit peu le bon exemple. Oui, c'est vrai. Alors que tu vois, les pauvres chez moi, par exemple, ils roulent en Peugeot 107 avec un malheureux espèce de gyrophare rond sur le tout milieu de la voiture du toit, c'est d'une c'est naze quoi. Oui, ça c'est sûr. Tu dis qu'avec même avec un vélo tu les sèmes quoi. Oui, mais bon, à vous, si on voyait notre police rouler en Porsche, on serait bien dégoûté. On n'accepterait pas vraiment ça. Donc, non, mais ça c'est clair. On préfère qu'ils roulent dans des voitures pas chères, qu'ils roulent bien. Ah mais bien sûr, mais je dis pas le contraire, hein, y a pas de malaise. Tout notre argent quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, 6h34 sur Fun Radio et on proposait la map monde ou le soleil pour la réponse à la devinette qui colle. Mais non, il peut être oculaire ou terrestre. La map monde ne peut pas être oculaire et le soleil non plus. Allez, bonne réponse au 63-22, bonne chance. C'est Example maintenant et Stay Awake sur Fun Radio. À la devinette qui colle, à la question de la devinette qui colle, que je vais répéter une fois de plus pour repartir avec vos iSwatch, vos iPod Shuffle ou même avec vos écrans plats en fait au final, hein, parce qu'on en a quelques-uns encore. Eh bien, je répète, c'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il ? Un indice, c'est Mickaël de Hatt qui avait proposé ça, c'est comme l'ob avec une lettre en plus. Merci Mickaël de Hatt pour cet indice magnifique. Qui est juste, ma foi, cela dit. Oui, hein. C'est vrai. Bon, c'est si vrai. Vous avez donc la bonne réponse, 63-22, Caroline qui envoie un message. Ah là là, la voix de l'ob, j'adore, on devrait l'entendre plus souvent à la radio. Bisous et bonne année à tous. Ça y est, alors l'ob ne veut plus se sentir là maintenant. Ouais. Ça y est, voilà, il va la rappeler, oui. En fait, je suis rouge comme la lumière du micro, c'est ça. Il va la rappeler, oui, t'as gagné un cadeau. Ah non, ah, je me suis trompé. Écoute, c'est pas grave, blablabla. On peut quand même se voir pour en discuter. C'est ça. Je le connais déjà par cœur là. Ouais. Bon, on proposait un témoin aussi. Non, c'est pas un témoin, parce qu'un témoin, oui, il peut être oculaire, mais peut pas être terrestre. Enfin, sauf si je connais pas l'expression, mais un témoin terrestre, c'est quand même relativement rare. Voilà, la bonne réponse au 63-22, écran plat, iPod Shuffle ou Ice Watch à gagner ce matin. Bonne chance tout le monde. Et puis on va écouter maintenant l'ami qui est tous les soirs avec Evan dans la tribu. C'est notre ami Julien Derien, journaliste de grande qualité qui est toujours sur le terrain. Aujourd'hui est une journée particulière, c'est une journée spéciale. Pour nous en parler, on a Julien Derien en direct par téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Evan et bonjour aux deux Mimi, Mimilan et Oemimi. Mesdames et messieurs, certaines journées de nos calendriers servent à commémorer ou à fêter un événement. Alors hier par exemple, c'était la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Alors j'ai une question, c'était quand l'industrialisation de l'Afrique ? On a bien fait d'avoir fait une journée spéciale, car quand on regarde la gueule du continent, on se demande s'ils ont été industrialisés. Ce qu'on aurait dû faire, c'est la journée du pillage de l'Afrique. Car ça, nous les Européens, on s'en rappelle. Enfin, on n'est pas là pour faire un débat. Non Julien, c'est vrai que vous avez raison, sur ce coup-là, on n'est pas là pour ça. Oui, bon, enfin, vous dites ça parce que vous êtes incapable de faire un débat sur quelconque sujet. Écoutez Julien, vous voulez vraiment qu'on parle de l'industrialisation du pays africain ? Vous voulez qu'on explique que technique et technologie ont été combinées pour permettre un développement plus rapide et spécifique, c'est ça ? Au niveau des mines, par exemple, l'avantage de l'Afrique, c'est quand même de disposer d'immenses et de précieuses ressources dont l'exploitation pourrait permettre la mise sur pied d'unités de transformation intéressantes, non ? Carrément. Bref, moi je trouve que ça pose un souci, les journées mondiales. Par exemple, le 19 novembre, c'était aussi la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Alors quoi, c'était le seul jour où on n'avait pas le droit d'abuser des gamins ? Ah, attends, on n'a pas de chance, c'est tombé un samedi. Samedi, c'est le moment où on a envie de se détendre. Bon, Julien, heureusement qu'on connaît un peu le second degré ici. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait bizarre aujourd'hui, c'est que le son, il résonne, ouais. Vous trouvez pas ? Mais j'essaie de régler le truc, mais je comprends pas pourquoi. Ça résonne un peu, là, Julien, n'est pas bon le son. Ah, je vous ai pas dit ? Non. Ah, le 19 novembre, c'était également la journée mondiale des toilettes. Du coup, voilà. Ah. D'accord, je comprends mieux le mauvais son. Bon. Merci, Julien. De rien. Et voilà, Julien Derien de retour dès ce soir à partir de 17h dans la tribu avec Evan qui reçoivent demain d'ailleurs les PZK. Donc soyez bien là à partir de 17h, 6h41 dans un instant l'info trafic. Et puis avant ça, eh ben, on se fait le son de Ina maintenant avec Juan Magan, c'est Un Momento. Et on refera un point sur donc l'info trafic comme je le disais et sur la devinette qui colle, sans oublier la ligne anti-relou qui va débarquer d'ici 5 grosses minutes sur Fun Radio. Bonne matinée avec Fun. 6h43 sur Fun Radio, restez bien là, dans le prochain quart d'heure, il y aura Florida ou encore Lady Gaga sur Fun. Et puis on va faire un point maintenant sur le trafic, que se passe-t-il sur les routes ? Soyez prudents, il y a un accident sur le 40 Gand en direction de Bruxelles, là autour de Ternat, c'est la bande de gauche qui est obstruée, il y a des files à cet endroit. Donc bah, faites gaffe si vous êtes sur la route et plus particulièrement à cet endroit-là. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à nous le signaler aussi si vous êtes témoin d'un problème sur les routes. Bah vous nous dites tout simplement au 3044, vous nous envoyez un message ou alors un mail et c'est gratuit, mikl@funradio.be. Faites jouer évidemment la Fun Solidarité pour prévenir les autres auditeurs de Fun Radio de ne pas se retrouver à l'endroit où vous êtes et qui visiblement est bouché. On compte sur vous et puis dans un instant donc la ligne anti-relou, sans oublier le son de Florida qui arrive dans un instant aussi sur Fun Radio. Et oui, ce sera Good Feeling. Bon réveil sur Fun. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée ? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous ? J'ai pas fait mes ongles. Je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne. Anti-Julie. 0473-86-0013. C'est passé. Non, il parlait des meufs relous, c'est pour ça que je me suis permis. Hein, Ah, parce que je suis relou maintenant. Non, on n'aurait pas osé dire ça. Je suis pas relou. Le mot n'était pas très approprié, peut-être pire encore, je ne sais pas. Je me laisse pas faire, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, c'est parti maintenant. La ligne anti-relou 0473-86-0013. C'est le numéro. Il faut absolument se souvenir de ce numéro pour le donner évidemment à tous les relous que vous allez croiser un petit peu partout. D'ailleurs, ça vous permettra peut-être de vous sauver de ce genre de personnes, peut-être. Ouais, voilà, c'est Philippe. Eh ben, je veux bien aller te chercher. Ah oui, y a pas de problème. Tu me dis sur Badou à quelle heure tu seras là, je viens te chercher. Encore Badou. On dort ensemble et tout, je te ramène chez toi, y a pas de souci. Voilà, tu me tiens au courant ? Bisous. Bisous. Hein. On dort ensemble et je te ramène chez toi. On dort ensemble, je te ramène chez toi, il n'y a pas de souci. Oh, bah si tu me ramènes chez moi, alors ça va. Alors on dort ensemble. Alors on peut dormir ensemble. Question suivante. Message suivant. Voilà, je démarre, hein. Je vais jusqu'à la gare de Wille. Oh non, c'est le même. Ah si, c'est le même. Allez, mais suivant. Pourquoi est-ce qu'il se met en route alors qu'il n'a même pas de nouvelles, il n'est même pas sûr. Je ne sais pas. Suivant. Ben voilà, je suis là. Le train est arrivé et tout. T'as pas l'air d'être là. Je vais m'en aller. Attention, il y en a encore un. Oui, allô. C'est moi. Je te vois là sur le quai. Tu es un fils. Viens me retrouver là. Je suis juste en face de où il y avait des red bus là, près des taxis. C'est une blonde avec des grandes bottes noires. C'est bien ça? Je t'attends. Voilà, je t'attends. Et attention, il y en a encore un petit. Oui, allô. Et quoi, tu ne veux pas venir ou quoi? Je te vois là. Si tu te retournes, tu verras mes phares. Là. Je suis garé. Je pense que c'est toi, je sais pas pourquoi tu prends le train dans l'autre sens. Voilà, on était au top là. Allez, prochaine ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio et Florida tout de suite. Good feeling, bon réveil sur Fun. Avant 7h du mat sur Fun Radio, on écoutera le son de Lady Gaga, ce sera Mary the Night, donc restez bien là. Et puis je vous rappelle encore qu'il y a toujours vos iPod Shuffle, vos Ice Watch ou encore vos écrans plats qui sont à gagner ce matin. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, c'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il? Ce n'est pas un témoin, donc ce n'est pas une lentille non plus. Louise de la Louvière qui a donné la mauvaise réponse, c'est dommage. Et puis Michael de Hall qui avait toujours donné un indice qui était quasiment la réponse, c'est comme Lob qui bosse avec vous mais avec une lettre en plus. Effectivement, de ce côté-là, on est plutôt dans la bonne voie. 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde, écran plat, Ice Watch ou encore iPod Shuffle à gagner dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va appeler à Forrière maintenant, là, c'est le numéro que j'ai choisi, mais on va appeler pour quoi faire, Tof? Bah, on appelle des vieux aujourd'hui. Ah bon? C'est, oui, on a fait un chance rien en fait. Ah, parce qu'on peut pas savoir à l'avance. Ouais, mais de préférence. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, ce sont des Britanniques qui se sont rendus compte que les vieux étaient plus heureux que les jeunes. Oui. Ah bah c'est normal, ils ont terminé de travailler. Ben voilà, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fait, ils sont plus optimistes. Ah. Et donc du coup, bah moi, je veux vérifier si en Belgique aussi, les vieux sont heureux. Sont optimistes et heureux. Bon, ben voilà. Écoute, on y va, on appelle direction Forrière maintenant sur Fun Radio. Allez hop, premier appel. Je dis premier parce qu'en général, on s'arrête rarement à un. On verra bien. Ah oui, il est tôt. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous étiez heureux. Écoute, monsieur, allez vous faire foutre. Waouh. Wow. Il a l'air heureux, lui, hein. Ah. Bah, il pouvait pas juste répondre oui ou non. Non. Tu vois. Non, tu vois, et on est obligé de l'appeler encore une fois, tu vois. Oui. C'est ce que j'avais dit, c'est rarement un seul appel. On se limite rarement à un seul appel. Mais en même temps, s'il réagit comme ça, c'est qu'il doit pas être très heureux dans sa vie. Bon, on va le rappeler. Allez, c'est reparti. C'est plus bon ou quoi? Non, mais j'en déduis que vous êtes pas très heureux si vous réagissez comme ça. Écoute, allez vous faire voir. J'ai pas besoin de vous, hein. Non, mais moi je vous demande juste si vous êtes heureux, et là j'en déduis que vous n'êtes pas très heureux. C'est pas votre problème. Bah, allez vous faire voir. Ah bon, bah effectivement, il n'avait pas l'air content, hein. Bon, on va le rappeler encore un coup, hein. Ouais, bah oui, on n'a pas de réponse. Bah oui, je suis déçu. Là. Normal, Julien, de rappeler. On n'a pas le choix, bah, c'est ça le problème. C'est ça, c'est obligatoire. Hein. C'est parti. C'est parce que nous sommes des professionnels, hein. Ne faites pas ça chez vous, hein. Nous sommes équipés pour. Non, parce qu'en fait, dans le journal, ils disent que plus on devient vieux, plus on est heureux. Et donc moi, je me demandais si plus on était vieux, plus on était heureux, si c'était vrai. Ah bah voilà. Bah voilà, bon, on n'aura pas de réponse. Non. Tant pis, je suis très déçu. Il doit vraiment être très malheureux, ce garçon. Ouais, je suis très déçu. En tout cas, Forrière, les gens ne sont pas heureux, visiblement. C'est pas très grave. C'est dommage, triste. Mais... Enfin, bah oui. Bah, on rappellera. Aussi, alors. Bah oui, on rappellera d'autres numéros tout à l'heure. Lady Gaga, maintenant, à 6h55 sur Fun Radio, c'est Marry the Night. I'm gonna marry the night. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 6h58 sur Fun Radio, bon réveil et puis bah bon courage si vous partez au boulot là maintenant, ou si vous partez à l'école, dans le noir, dans le tram, dans le métro, dans le bus, peu importe, ou même en voiture. Et puis bah bonne chance également à tous ceux qui restent, enfin c'est eux qui ont de la chance en l'occurrence, ceux qui restent dans leur pieu pour l'instant mais qui nous écoutent quand même. Dans un instant, Sean Paul avec She Doesn't Mind, on appellera également chez vous pour vous rembourser vos factures. Factures de soldes, cette semaine on vous rembourse 50€ de soldes, que vous ayez ou pas encore fait les soldes. 63-22 pour vous inscrire, vous débutez le message par facture et puis vous mettez solde tout simplement. On va également jouer au êtes-vous plus intelligent qu'une Miss, si là aussi vous voulez jouer avec nous. 6322 code Miss, c'est 1€ le message, et des iPod Shuffle qui seront à gagner d'ici quelques instants. Je vous l'avais promis, Sean Paul arrive. On écoutera aussi Jim Glacios ou encore les Black Eyed Peas tout à l'heure. Miss Nissan change les règles avec des conditions salon exceptionnelles jusqu'au 31 janvier. Vous roulez déjà en Nissan Qashqai pour 139 euros par mois. Offre soumise à condition, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Et il est 7h, un petit peu avant, même 6h59, c'est l'heure de passer à l'info avec Julie. Bonjour à tous, Écolo est attaqué pour concurrence déloyale. Les Verts font l'objet d'une dénonciation auprès de l'auditorat du Conseil de la concurrence pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Un pépiniériste de Malempré dénonce l'opération de distribution gratuite de plants de vigne à grande échelle menée par Écolo. Pour lui, Écolo serait en situation de récidive. Le pépiniériste dit par ailleurs se réserver le droit de demander réparation aux Verts francophones. Un cambrioleur menace deux magistrats bruxellois. Yves Baupin, connu depuis les années 80 comme un des plus grands cambrioleurs belges, eh bien, il a été identifié comme l'auteur des menaces de mort proférées à l'encontre de deux magistrats, Dirk Moremans et Benoît Dejemep. L'homme surnommé l'Arsène Lupin belge aurait envoyé des menaces de mort par fax. Les policiers auraient trouvé chez lui une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son intention de tuer d'autres personnes avant de se donner la mort. Yves Baupin serait atteint d'une maladie incurable. Le palais de justice de Bruxelles a été placé en état d'alerte. Cet état d'alerte devrait être maintenu jusqu'à ce que Yves Baupin soit localisé et arrêté. Une femme dirigera bien la police fédérale, sans surprise. C'est Catherine De Baule, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de police pour succéder à Fernand Kuckelberg. Cette décision devra encore être entérinée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais ce n'est plus qu'une formalité. Nouvelle recrue à l'armée pour cette année, le ministère de la Défense compte recruter quelques 1500 militaires en 2012 afin de poursuivre le rajeunissement de son personnel. Mais par contre, les investissements au cours de cette année seront limités pour cause du budget 2012 plutôt serré. Les prix des habitations atteignent des records. Les prix des terrains à bâtir et des habitations continuent à progresser en Belgique, atteignant des records au troisième trimestre 2011. Durant ce troisième trimestre, le prix moyen d'une habitation mitoyenne s'élevait à environ 191 000 euros. Le prix moyen d'une villa atteignait 334 000 euros. Quant au terrain à bâtir, il coûtait 106 euros le mètre carré en moyenne. Selon les autorités, ces prix moyens ont progressé de 4 à 5% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. À l'étranger, alerte au tsunami en Indonésie. Un séisme de magnitude 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a été lancée par le centre d'alerte du Pacifique. Et puis au Nigeria, les violences ethniques et religieuses ont connu une nouvelle flambée hier, faisant au moins 11 morts dans le nord musulman. Et dans le sud, deux attaques de mosquées en 24 heures ont fait 5 morts et provoquer la fuite de milliers de personnes. Et il est 7h02 sur Fun Radio, c'est l'heure de la météo maintenant. La journée sera une fois de plus grise et brumeuse, avec même du brouillard par endroit en début de journée, soyez prudents. Maxima qui atteignent 6 à 10 degrés, il fait toujours aussi doux. Demain, le ciel sera toujours aussi gris, la pluie va faire son retour et on perdra même quelques degrés. Eh ben voilà, que demander de plus. 7h02 sur Fun Radio, dans un instant je vous explique comment vous faire rembourser vos factures. Factures de sol dans l'occurrence, et puis on va parler également de la fond en plus juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, 7h03. Dans un instant, je vous rembourse vos factures. 6322, code facture. Donc, vous mettez facture et puis solde derrière. Et puis, on vous rappelle pour vous rembourser justement vos factures d'ici quelques instants, dans moins de 5 minutes. 50 euros de facture que vous ayez ou pas encore fait les soldes d'hiver. 6322, code facture avec le mot solde juste après. Bonne chance. On vous appelle dans 5 minutes. Et puis, on va parler maintenant de l'info en plus. Alors, je ne sais pas, Mickaël, si tu as la fameuse application, enfin, le programme Siri. Oui. Pour l'iPhone 4S. Alors tu peux un petit peu expliquer comment ça fonctionne. C'est un programme à commande vocale. Voilà, c'est ça. Donc tu lui demandes s'il pleut, il va te dire oui. Donc, voilà. Si t'as la flemme de sortir, par exemple, tu peux lui demander. C'est un petit peu ça. Donc en fait, on peut demander ce qu'on veut à son téléphone tout simplement en lui parlant. Pas besoin d'appuyer sur des touches. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les paresseux. Et c'est que maintenant, ce genre de programme à commande vocale est bientôt prêt pour la télévision. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Donc voilà, ça va être lancé cette année-ci, donc en 2012, par la société Vlingos, donc un assistant personnel à commande vocale. Donc on va pouvoir rester tranquillement assis dans le canapé. Et simplement avec le contrôle de la voix, on va pouvoir dire plus fort, moins fort, vas-y, vrai, mets France 2. Mets un film de cul et tout, je pourrais lui dire, c'est ça. Peut-être. Ça, je sais pas. J'imagine qu'il va vite comprendre quelle chaîne tu lui demandes. Ouais, c'est ça. Ce qui serait drôle, cela dit, hein, c'est que, tu sais, qu'il quand il, parce que, mon avis, il va y en avoir, c'est des pirates qui vont faire le truc, dire allez, mets RTL. Non, c'est de la merde. Bon, bah, mets RTL. Non, je veux pas que tu. Mais il va dire non, c'est. Il va être bridé. Tu crois que l'ordinateur. Mais... Enfin, l'ordinateur. La commande va nous répondre. Quoi. Mais ça, bah, pourquoi pas. Ça, il y a des mecs qui l'avaient déjà fait sur l'iPhone. Hein. Ah oui. Tout à fait. Oui. En ouais, fait, chaque vrai. Fois que tu lui posais une question, le truc, il t'insultait. Ouais. Effectivement, il l'avait déjà ça, fait. Ça, c'était ouais. drôle, ça. Donc voilà, bientôt pour la télévision. Eh bah, ça peut être un bon plan, tiens. Ça peut être un bon plan. 7h05 sur Fun Radio. Bon réveil. Sean Paul, She Doesn't Mind. Maintenant, c'est mercredi aujourd'hui, le 11 janvier. Et je vous appelle dans moins de 3 minutes pour vous rembourser vos factures de solde. Tous les matins. Et dans un instant aussi d'ailleurs on écoutera Jim Clash Heroes avec Adam Levine. Ce sera Stereo Earth. Et puis on jouera également au êtes-vous plus intelligente qu'une Miss pour gagner vos iPod Shuffle. Si vous pensez être plus intelligent qu'une Miss, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au 6322. Débutez le message par Miss MI2S tout simplement. Et on vous rappelle d'ici 5 grosses minutes pour jouer avec nous. 5 questions de Miss, hein, donc pas non plus super méga over élevé. Et puis si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec votre iPod Shuffle de la couleur au choix. 6322, code Miss, bonne chance. Et puis on va appeler maintenant quelqu'un pour remboursement des factures, évidemment. Facture de solde, hein. T'as déjà fait les soldes, Julie, ou pas? Eh bien, pas encore. Bah, il faut te manier un peu maintenant, là. Bah oui, bah écoute-moi, excuse-moi, j'ai une vie, j'ai pas le temps. Genre oui, oh là, genre vrai, elle est overbooked. Bah oui, c'est un petit peu ça. C'est ça. C'est un peu ça, effectivement. Bon, allez, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit. Si il ou elle décroche, c'est gagné. S'il répond à la question, bien sûr. Allez. Je remarque qu'on a souvent pas de chance à 7h10. Depuis je crois que les gens sont en plein, tu vois, douche, machin. Ah oui, mais enfin, ils s'inscrivent. Un peu d'accord. Téléphone sonne, tu décroches. Laetitia, c'est ce que j'ai compris, il me semble, sur le. Oui, Laetitia. J'ai compris, ouais, qu'est-ce qu'il y a. Bon. C'est surtout Laetitia, alors. Oui. Laetitia, c'est Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio, on t'appelait pour te rembourser tes factures de solde. Bah, tu viens de passer à côté de 50 euros, ce qui est quand même dommage. Bah, c'est pas grave, tu redonnes ta chance quand tu veux, Laetitia. Je te souhaite une bonne journée, tu reviens sur Fun Radio quand tu le souhaites, évidemment, sans problème. Et puis pour les autres, 6322, vous débutez le message par facture, ensuite vous mettez solde, comme vous le savez. Si ça ne décroche pas à une heure précise, eh bien, on ne récupère que ceux qui se seront inscrits entre, en l'occurrence, 7h10 et 8h10. Prochain appel pour le remboursement des factures. 6322, code facture, puis vous mettez solde, tout simplement. Jim Clash Heroes arrive dans un instant sur Fun Radio. Avec Adam Levine, ce sera Stereo Earth. Et si vous êtes fan de Jim Clash Heroes, écoutez ce qui suit, ça pourra vous intéresser. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici. Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Et il y aura des places aussi pour le concert de Jim Clash Heroes bientôt à gagner sur Fun Radio. Ah, bien rester à l'écoute de Fun, c'est bientôt que ça va se passer ça. Stereo Earth à l'instant. 7h14, je vous rappelle encore une fois la devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats ce matin, vos iPod Shuffle ou encore vos Ice Watch. Écoutez bien, c'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 euro le message. Bonne chance, donc comme je le disais, écran plat, iPod Shuffle ou alors Ice Watch à gagner. Il peut être donc oculaire, il peut être terrestre également. Il y a Mickaël Dehat tout à l'heure qui va donner un bon indice puisque il disait, enfin c'est même plus qu'un indice, hein, c'est presque la réponse. C'est comme Lob, mais avec une lettre en plus. Et puis il y a quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus malheureusement de son prénom, qui a dit que c'était aussi une marque de chaussures. Je ne connaissais pas, mais je veux bien le croire. Ah oui, ouais, mais des très grosses. C'est vrai. Mais ouais, c'était vraiment des grosses chaussures, mais c'était la mode il y a 10 ans. Hein. Non, c'est des chaussures de skate, c'est des les skateurs. Mais ouais, ça, ouais, ah bon ouais. Ah bah d'accord, ok. Bon bah je savais pas. Voilà, comme ça vous le savez. Il y a encore des skateurs à notre époque. Là, bah oui. Là, des pantalons tout moulants. La bonne réponse au 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. Et puis on va parler maintenant. Hier soir, vous le savez, c'était The Voice sur la une. Et puis Julie, qui a passé sa soirée à tweetouiller, va nous faire en deux mots un petit résumé de la soirée. Pas mal. C'était génial. Ah oui, j'ai adoré. Non, c'était pas. Bah, si, forcément, j'adore le programme. Tu penses bien. Ah oui, bah ouais, je surkiffe. Je surkiffe le programme. Mais non, bien. Bah, il faut avouer que ça a quand même été super tweeté. Hein. Ils ont, ah oui. Ils ont eu 7000 tweets, 1000 de plus que la semaine dernière. Dont 6900 de Julie. Non, donc forcément, ça aide hein, pour non, la stat. Non, pas du tout. Mais non, c'était bien. Il faut avouer. C'était quand même bien. C'était bien. Il y a eu des casseroles en plus, donc tu vois. Oui, c'est vrai. Mais justement, en parlant de casseroles, tant qu'on est dans la musique, justement, est-ce que vous vous souvenez d'elle? Bien sûr, ouais. Mon Paulette. Enfin bref. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, car oui, elle revient. Incroyable talent, ils sont passés à côté d'une star. Et la oui. star, mais maintenant, elle prend sa revanche, la star. Oui. Sinon, ils n'ont pas voulu de la Georgine. Eh bien, maintenant, moi, je vais leur en foutre. Eh oui, elle va leur en foutre. C'est exactement ça. Et quelle star d'ailleurs, puisqu'elle a même été accusée de plagiat. Mais visiblement, Robert, donc son mari et aussi son compositeur, n'est pas vraiment d'accord. Tout le monde dit c'est Judas de Lady Gaga. Moi j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Hein. Voilà, pour lui, vous ne connaissez pas, et on ne sait jamais, ils ne connaissent pas Robert là. C'est ça Lady Gaga avec Judas. Hein. Voilà. Enfin, cela dit, je vois pas très bien le rapport, hein. Mais bon, je sais pas comment, je vois pas le rapport entre les deux, entre Paulette et Judas, mais bon. Je ne le vois pas. Mais enfin, comme il n'est pas contraire, le Robert, là, il a refait la musique et voici Paulette, nouvelle version 2011. Ça change tout, hein. Ah, on sent un peu le remix, hein. C'est de la balle quand même, hein. Un avis éventuellement. Il y a du travail là derrière. Ah bah oui, un avis, Georgine. Non, pas celui-là, celui-là. Ça rime, Paulette. Non, c'était pas ça. Ah non, mais c'était pas celui-là. Ah, c'est celui-là, pardon. Ah, ça, c'est sûr, à tous les coups, c'est le tube. Ah oui, ah bah dis donc, alors ça va être le tube évidemment. Un gros tube. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Paulette, en exclusivité, je vais vous donner la réponse. Ça rime, Paulette, tu pollues. Paulette, ouais. Ça rime bien. Ah oui, ça rime bien. Ah oui, ça. Alors, comment lui expliquer ce qu'est une rime? Voilà, bon. C'est pas ça, en tout cas. Pense que tout... Voilà. Je pense que tout est dit. Hein. Je vous la remets un petit peu, hein. Non. Ah, si, d'accord. Non, bon, d'accord, ok. Vous avez dit non, je m'en vais. Ah ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben à bientôt alors, hein, Paulette, hein, y a pas de problème, hein. Enfin Georgine plutôt. Allez, 7h18 sur Fun Radio, dans un instant, le serez-vous plus intelligent ou intelligente qu'une Miss? Nous allons jouer dans quelques instants. On va également jouer à la devinette qui colle et les Black Eyed Peas qu'on écoute maintenant, tiens, oh petit souvenir, enfin souvenir, ça n'a jamais qu'un an, hein. Les Black Eyed Peas maintenant avec The Time sur Fun Radio. Il est 7h18, bon réveil tout le monde. C'est mercredi aujourd'hui, le 11 janvier, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 sur Fun. Radio Smash. Les Black Eyed Peas à l'instant sur Fun Radio, 7h22 justement, et nous allons maintenant jouer au jeu des Miss. Je sais pas. Bah si, je te le dis Ophélie, on va jouer au jeu des Miss maintenant. Et nous avons Cédric et Jade bien sûr qui sont avec nous. Tout le monde est là. Hop là, comment ça va Jade? Jade qui a terminé deuxième bien. Dauphine, hein, Miss Belgique donc. Hein. Comment ça tu n'entends rien? Bah top, va oui, arranger ça là. Voilà, est-ce que tu entends mieux maintenant Jade? Non. Elle n'entend pas mieux? Bon. C'est pas grave, on va s'arranger. Hein. Bon bah en attendant, c'est pas grave. Hein. Jade donc a terminé deuxième Dauphine. Exactement. Miss Belgique. Et donc ouais. Tu nous as dit que tu étais limite contente de ne pas avoir terminé Miss Belgique au final. Oui, enfin déjà j'étais dans le top 3, je m'y attendais pas du tout parce que c'était pas du tout. Prévu, voilà. Enfin, en tout cas, t'as pas été là pour ça, en tout cas. Comment ? T'as pas été là spécialement pour terminer Miss, t'en as pas fait un drame de pas terminer Miss Belgique. Non, pas du tout. Comme tu viens de le dire, j'étais limite contente parce que si j'arrive à bien m'en sortir, je peux avoir les avantages sans avoir. Sans les inconvénients, quoi. Les inconvénients. Exactement, justement. Et alors, justement, Ophélie, qu'est-ce que tu penses, toi, de Jade ? Je sais pas. Bon, bah écoute, merci. Cette réponse est malheureusement un petit peu identique jour après jour, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu connais d'autres mots quand même ? Je sais pas. D'accord. Bon, alors c'est pas grave. Hein. Bah, je te présente. On s'en souvient plus, c'est pour ça. Bah, c'est possible aussi. Cédric, qui est donc avec nous, 19 ans de Verviers. Salut Cédric. Salut. Oula, on s'entend mal. Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Bon, eh bien, bienvenue à toi, Cédric. Alors, je te présente Jade, hein, tu l'as vu. Bon, à la télé, c'était dur, mais en tout cas, peut-être sur Internet ou sur VTM. Ils avaient diffusé VTM, non, je pense. Non, c'est pas VTM, c'était Life. Life TV. Ah, Life. Ah ouais, donc Miss Belgique, c'est que les petites chaînes, quoi, qui ont pris. Hein. Avant c'était RTL, VTM, t'avais quand même quelque chose, mais non, c'est... Maintenant Internet c'est un peu le futur de la télé, j'ai l'impression. Oui, enfin bon. Beaucoup regardent sur Internet. Enfin, c'est ça, moi c'est ce que j'ai fait, c'était très pratique. Ouais, c'est bien, parce que l'émis c'est le futur de la Belgique, hein, c'est bah oui, bien sûr. C'est mal ce que tu fais. Bon, c'est bien sur Internet. Cédric, tu vas jouer à Êtes-vous plus intelligent qu'une miss? Le but, repartir avec l'iPod Shuffle. Le but aussi, pour repartir avec les iPod Shuffle, bien sûr, eh bien, c'est répondre aux 5 questions. Et exceptionnellement, Jade, qui est ici présente avec nous, va t'aider si jamais tu galères. Qui est quand même sympa de notre part. Ok, parfait. D'accord, donc en cas de souci, tu lui demandes et on va. Puis elle va essayer de t'aider, quoi. On garantit pas, mais on va essayer. D'accord, puis, en plus, elle a l'air rassurée et tout, donc ça va bien se passer. Ouais, mais ça va bien se passer. Bon. Bon, cela dit, on peut toujours te filer Ophélie si tu veux pour t'aider. Hein, Ophélie? Non, ça ira, merci. Non, bah c'est dommage, pourtant elle était au taquet. C'est quand même bien pour Ophélie qu'elle vienne se défendre une fois. Elle veut pas. Ok, elle veut pas, mais moi je lui conseille de venir. Bah oui, c'est ça. Tu savais qu'on t'avait invité, Ophélie? Je sais pas. Ah, ouais, bah voilà, tu vois, c'est pour ça qu'elle vient pas. C'est pour ça. Elle est pas au courant. Mais elle sait pas, elle peut pas savoir. Mais si Jade a son numéro, je propose qu'on l'appelle avant la fin de l'émission. Oh oui, ça c'est une très bonne idée. Bah, qu'est-ce que t'en penses, Ophélie? Je sais pas. Bon, bah voilà, écoute, malheureusement, le problème c'est toujours un peu le même. Bon, allez, 7h25, on y va, on va jouer maintenant au jeu des Miss, Cédric. Première question, il faut faire 5 sur 5 pour repartir avec les cadeaux, d'accord? Ça marche. Allez, c'est parti, attention, question qui a dû marquer Jade probablement. Combien y a-t-il de provinces en Belgique? 10, bonne réponse. Première bonne réponse, c'est bro, c'est beau, c'est beau. La tête de Jade. Par quoi Jade n'aime pas beaucoup cette question. Il faut oui, me rappeler. Je l'ai vécu, voilà, je l'ai interviewé une fois et cette question elle l'a pas beaucoup appréciée. Méchante. Ouais. Bon, mais tu... Jade a beaucoup. Jade rigole et franchement elle a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai. Ophélie, tu savais toi? Je sais pas. Ah. Non, je sais pas. Ah bah tu vois, t'étais pas la seule. C'est pas grave. Deuxième question. Comment surnomme-t-on le standard de Liège? Tu peux répéter s'il te plaît? Oui. Comment surnomme-t-on le standard de Liège? Les rouges. Les quoi? Les rouges, exactement. Bonne réponse. Troisième question. Quelle ville est la plus éloignée de Bruxelles? Ostende ou Arlon? Arlon, bonne réponse, avec 172 km contre 110 pour Ostende. Alors, vrai ou faux, la ville de Han est connue pour ses magnifiques crottes? Vrai. Ah non, c'est faux! Oh, c'est aussi un piège, elle a peut-être pas très bien entendu. Ah non, mais c'était grotte et pas crotte, parce que crotte de nez, n'est-ce pas, c'est pas terrible. Bon, oh là là là là là là là. Toi, tu savais, Ophélie? Je sais pas. Ah bon, bah voilà, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule non plus. Bon, et enfin, dernière question, qu'est-ce qui pue à Herve? Oh, t'entends mal, tu m'as dit? Le fromage. Mais oui, c'est une bonne réponse, bravo! Bien joué. Bon, ça te fait 4 sur 5, malheureusement, Cédric, pas assez pour repartir avec l'iPod Shuffle, mais on va quand même t'offrir tes places de ciné pour aller avec qui tu veux au cinéma, voir ce que tu veux. D'accord, Cédric? Ok, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, puis tu peux remercier Jacques qui t'a quand même vachement aidé. Ah ouais, qui t'a bien aidé ce matin. Bon, bah écoute, merci Cédric, il reste au standard, d'accord? Ok, merci à vous. Salut à toi, à bientôt. Allez, ciao à toi. Et puis nous, on va revenir dans un instant. Ne bougez pas avec David Guetta, avec les infos, avec Jade également, et avec vous toutes et vous tous. Sur Fun Radio, j'allais le dire. Hop là, voilà. David Guetta arrive dans un instant avec Usher. Ça va arriver juste après ça sur Fun Radio. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. It's Jared from 30 Seconds to Mars, and the one thing I love about listening to my good friend's show, Michael, on the radio, Mickaël, à la radio, is that it puts me right to bed. David Guetta à l'instant sur Fun Radio, l'info arrive dans un instant, nous sommes très en retard, mais ce n'est pas grave, Julie est avec nous, 28 ans de Flémal. Salut Julie. Salut. Comment ça va? Ça va. Bah tant mieux Julie. Julie, on la pêche. Bah oui, la patate. Bon alors Julie, est-ce que tu as la réponse à la devinette qui colle? Je la répète pour ceux qui débarquent. C'est un luminaire, il peut être oculaire pour représenter la Terre. Sa forme est une sphère. Qui est-il, Julie? On t'écoute. Le globe. Eh oui, le globe terrestre, le globe oculaire, globe, lobe avec un G, ça fait globe. Eh bien voilà tous les indices donnés, Julie, bravo à toi, c'est gagné. Tu vas donc repartir avec les cadeaux, tu vas gérer ça avec lobe justement au standard, Julie, d'accord? Ok, merci. Mais je te fais des bisous. Maman aussi, bisous. À bientôt, ciao Julie. Dans un instant, je vous répète, je vous annoncerai plutôt une nouvelle devinette qui colle. On va récupérer Jade qui est donc avec nous ce matin, deuxième dauphine. Elle est vraiment avec nous, effectivement. Bah, c'est un petit peu comme Ophélie. Hein. Je sais pas, justement. Bah, pardon. Dans un instant, Will.i.am sur Fun Radio va débarquer avec Gillo notamment et Mick Jagger. Et puis à 7h32, nous sommes très en retard. C'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Écolo est attaqué pour concurrence déloyale. Les Verts font l'objet d'une dénonciation auprès de l'auditorat du Conseil de la concurrence pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Un pépiniériste de Malempré dénonce l'opération de distribution gratuite de plants de vigne à grande échelle menée par Écolo. Pour lui, Écolo serait en situation de récidive. Le pépiniériste dit par ailleurs se réserver le droit de demander réparation aux Verts francophones. Un cambrioleur menace deux magistrats bruxellois. Yves Baupin, connu depuis les années 80 comme un des plus grands cambrioleurs belges, eh bien, il a été identifié comme l'auteur des menaces de mort proférées à l'encontre de deux magistrats, Dirk Moermans et Benoît Jemep. L'homme surnommé l'Arsène Lupin belge aurait envoyé ces menaces de mort par fax. La police aurait trouvé chez lui une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son intention de tuer d'autres personnes avant de se donner la mort. Yves Baupin sera atteint d'une maladie incurable. Le palais de justice de Bruxelles a été placé en état d'alerte. Cet état d'alerte devrait être maintenu jusqu'à ce que Yves Baupin soit arrêté. Une femme dirigera bien la police de Bruxelles. Sans surprise, c'est Catherine De Bolle, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de police pour succéder à Fernand Kuckelberg. Cette décision devra encore être entérinée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais ce n'est qu'une formalité. Nouvelle recrue à l'armée pour cette année, le ministère de la Défense compte recruter quelques 1500 militaires en 2012 afin de poursuivre le rajeunissement de son personnel. Mais par contre, les investissements en cours au cours de cette année seront limités pour cause de budget plutôt serré. Les prix des habitations atteignent des records. Les prix des terrains à bâtir et des habitations continuent à progresser en Belgique, atteignant des records au troisième trimestre de l'année 2011. Durant ce troisième trimestre, le prix moyen d'une habitation mitoyenne s'élevait ainsi à 191 000 euros. Le prix moyen d'une villa atteignait 334 000 euros. Quant au terrain à bâtir, il coûtait 106 euros par mètre carré en moyenne. Ces prix moyens auraient progressé de 4 à 5 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. À l'étranger, alerte au tsunami en Indonésie. Un séisme de magnitude 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a été déclenchée. Puis au Nigeria, les violences ethniques et religieuses ont connu une nouvelle flambée hier, faisant au moins 11 morts dans le nord musulman et dans le sud. Deux attaques de mosquées en 24 heures ont fait 5 morts et provoqué la fuite de milliers de personnes. Et il est 7h34 sur Fun Radio. Passons à la météo maintenant. La journée sera grise et brumeuse avec même du brouillard par endroit en début de journée. Les maxima sont toujours assez doux pour la saison, de 6 à 10 degrés. Demain, pas mieux, le ciel sera toujours aussi gris et pire, la pluie fera son retour. On perdra même quelques degrés. Quelle bonne nouvelle. Et c'est Will.i.am dans un instant. Mick Jagger et Gillo qui arrivent avec The Hardest Ever. Et puis maintenant, l'info en plus. Une info, je suis assez étonnée que Toff n'en ait pas parlé. Ça s'est passé dimanche à New York. Que s'est-il passé dimanche à New York, Toff? Que s'est-il passé dimanche à New York? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, c'est le collectif Improve Everywhere, qui est un collectif friand de flash mob. Vous savez, ces petits... Oui, c'est un flash mob. Ouais. C'est un mouvement tout d'un coup. C'est une mobilette qui va trop vite et après les flashs. C'est des gens qui se réunissent dans un endroit et qui tout d'un coup font par exemple une danse ou ce genre de choses. Enfin, ils font un événement comme ça ponctuel. Alors, c'est une initiative qui a été lancée en 2002 et qui s'appelle le No Pants Subway Ride. Ce qui veut dire ce qui veut dire sans pantalon dans le métro. Et alors, cet événement qui avait été lancé en 2002 avait, eh bien, il y avait eu 7 participants masculins qui avaient osé se promener en caleçon. C'est déjà pas mal. Hein. Dans le métro de New York. Et par contre, dimanche, 11e édition. C'est sponsorisé édition, par les Casarail, hein, je précise. 11e édition, l'opération a rassemblé 3500 personnes à New York et des milliers d'autres dans une cinquantaine de villes du monde entier. Donc, comme quoi les gens ont vraiment que ça à faire. Mais c'est pas mal, mais c'est pas mal. Parce qu'un 8 janvier, elle est baladée sans pantalon et c'est tout à fait véridique. Il y a des photos et tout qui circulent. Ils sont sans pantalon dans le métro. Voilà, 3500 personnes à Bruxelles qui se baladent sans pantalon. Bah, si j'étais sorti ce jour-là, je l'aurais fait, mais je suis pas sorti. Donc, oui, c'est ça le problème. Allez, 7h36 sur Fun Radio. Dans un instant, on va parler un petit peu avec Jade pour voir un petit peu comment ça va se passer pour le futur. Et puis, on va s'écouter Will.i.am maintenant, Mick Jagger et Gillo sur Fun. 7h39 sur Fun Radio, Enrique Iglesias dans quelques instants. Et puis nouvelle devinette qui colle pour repartir encore une fois avec vos écrans plats, vos iPod Shuffle ou alors vos Ice Watch. Écoutez bien, elles font le tour des continents, on les gravit difficilement, mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? Voilà, elles peuvent être à l'os par exemple, hein, on a décidé d'en bouffer. Donc, et sinon le corps humain, on a plusieurs, faut le dire. Elles font le tour des continents, on les gravit difficilement, mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? En Belgique, par exemple, il n'y en a qu'une seule et elle est flamande. Voilà. Et donc, comme je le disais, elles peuvent être à l'os également si jamais vous voulez, les bouffer. 63-22 si vous avez la bonne réponse. Écran plat à gagner. Il y a également des iPod Shuffle. Vous choisirez la couleur que vous voulez ou encore les Ice Watch. Une idée déjà de la devinette? Oui, je connais la réponse. Ouais? Non! Si. Bah, écoute, c'est une fois. Mais juste, alors la question qu'on peut poser aussi, c'est Ophélie, sais-tu, connais-tu la réponse? Je sais pas. Ah bon, ça va. Il y a quand même des choses qui s'inquiéter un peu, mais et voilà. Non, mais Ophélie, apparemment, elle a peur de venir, mais qu'elle vienne. Nous, on rigole. On va l'appeler. Tu vois, mais oui, on va l'appeler. C'est surtout mieux qu'elle vienne pour se défendre. Mais oui. Mais Ophélie, tu connais ton numéro? Je sais pas. Non, je sais pas. Elle a dû changer il y a pas longtemps, à mon avis. Hein. C'est ça le problème. Bon, Jade, qui est avec nous, qui est terminée deuxième dauphine, donc troisième au final. Ouais. Dans l'absolu, c'est ça, puisqu'il y a la Miss, puis après la première dauphine et la seconde dauphine. Alors du coup, donc pas déçu d'avoir terminé seconde dauphine, puisque tu disais que t'as peut-être un moyen d'arriver à avoir tous les avantages sans les inconvénients d'aller notamment à la foire au boudin, d'aller faire toutes les représentations qui sont quand même un peu chiantes, faut quand même l'avouer. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Enfin, mais... je sais pas, j'aurai jamais l'occasion de le vivre. Ah, toi non plus, tu sais pas? Ah non. Ah bon, d'accord. Bah, tu sais, c'est un truc de Miss. Je sais pas. D'accord. Voilà. Bah, écoute, c'est très bien. Bon. J'ai beau essayer de vous défendre, mais les filles, oh là là. Oh, dit-elle! Oh, c'est la première à avoir mis le but. C'est une blague. C'est une blague. Oh là là, l'humour. Oh là là, écoutez là. L'homme qui a même pas rien entendu, il était à côté, il vient vous. Si, j'ai entendu, j'ai bien entendu la mauvaise foi, Julie. C'est ça. Il bouillonne aussi. Toi, par contre, Steph, on t'a changé. Dorénavant, nous l'appellerons Julie Mauvaise Foi pour les infos. Mais pas du tout. C'est une blague. Ah d'accord, ok. Oh là là. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à suivre maintenant dans ta vie, Jade? Tu vas faire quoi vu que t'es arrivée seconde? Tu vas te représenter? Tu vas faire quoi? Bah, elle va rien faire puisqu'elle est seconde, donc. Bah non, mais après j'en sais rien. Mais il y a peut-être des trucs que t'as envie de faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant là, maintenant que c'est terminé l'élection? Mais maintenant que c'est terminé, je vais voir s'il y a des portes qui s'ouvrent à moi, hein, mais dans le cas contraire, quoi qu'il arrive, je vais m'inscrire à la Cambre pour faire photographie en septembre. Ah bah tu pourras venir en stage ici. C'est ça. Il y a pas de problème, nous on accepte. Déjà demandé, hein. Ah oui, bah il y a pas de problème, nous après tu fais des photos, il y a aucun malaise. Et tu voudrais pas faire bon évidemment, il faut être Miss normalement pour faire ça, mais tu vas pas faire comme Julie Tatton, faire la télé. L'amour est lent, prêt à aller voir les fermiers et tout, mais essayer ouais, de les mettre. Ça me tente vraiment d'aller rencontrer les fermiers face à face. Ah ouais? Non, mais je pense que déjà RTL ne passe plus l'émission, donc c'est déjà un peu. Ah, mais c'est fini là, mais. Mis sur leur site internet, c'est quand même Sophie Pandeville qui l'a présenté avec Virginie Classe en coulisses, qui sont quand même des filles d'RTL. Je pense que ça va, la porte n'est pas fermée. Hein. Ah, tu parles de. Non, parce qu'elle parlait de la ferme là, non? De quoi? De la ferme, tu parlais d'amour et dans le pré. Que le concours était. Oui. Ouais, c'est ça, non? Ah d'accord, c'est moi qui ai mal compris. Alors excusez-moi, je repars avec Ophélie alors. Je sais pas. Bon, bah, alors si tu veux, pas de problème. Donc télévision, radio éventuellement? Oui, éventuellement. Très bien, ce que Toff peut t'apprendre. Hein. Mais je vais tout lui apprendre. Mais... Oh là là, je suis encore. Tu vas devenir mauvaise, mais. Je vais la faire venir devant mon micro tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Bah, disons qu'on laisse marrer. Oh là là, mais n'importe quoi. Et justement, la question que Toff se posait, es-tu célibataire? Oui, tout à fait. Mais oui, parce que ça, je le savais déjà. Ah oui, sinon, t'auras pas quitté. Parce que tu sais, j'ai le temps d'étudier. Le dossier avec tous les sons qu'on a passés. Par ouais, contre, Laura, la Miss, a dit qu'elle sortait avec un certain Axel qui est joueur de foot en division 1. Ouais. On pense évidemment à Axel Witsel. Mais il est plus en division 1, il est au Portugal maintenant. Oui, on ne sait pas. Elle dit, je ne sais pas. Ah, c'est pas Witsel. On ne sait pas justement. Bah avec qui sort-elle alors? Avec tu qui sais, sort-elle? Moi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Ah, ouais, Laura, Ophélie, en même temps, t'as rien demandé. Hein, donc, non, pour une fois qu'elle elle parle, non, mais non, bon. Aucune idée. Ah, j'espère glaner une info. Mais... Bon, et alors en termes de Miss Belgique, justement, qu'est-ce que tu penses de Laura, la Miss? Je trouve qu'elle est... En vrai, hein, pas la peine de cirer les bottes. Hein. Je pense que c'est surtout le fait qu'elle soit bilingue. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que Aurore, elle doit vraiment l'avoir mauvaise, parce qu'en fait, elle a perdu parce qu'elle parlait pas néerlandais. Oui, certainement. Ouais. Ouais, c'est con. Parce qu'elle avait une. Ouais, elle a vraiment. Parce que t'as déjà vu en plus ici. Ouais, parce que, à choisir physiquement, elle est quand même plus jolie, et au final, tu te rends compte que c'est juste parce qu'elle parle super mal néerlandais qu'elle a perdu, quoi. Bah ouais, mais bon, ça après. Et jolie, je sais pas, parce que c'est. Bon, c'est une question de goût, ça après, ouais. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Vous êtes toutes les trois très très différentes, mais par contre, Alizée Pulitschek, elle avait été élue, elle parlait pas un mot de néerlandais à l'époque. Ouais, c'est pas faux, hein. Ça a fait une polémique aussi. Et je pense que maintenant, c'est un peu la crise en Belgique, entre guillemets. Donc, effectivement, il valait mieux qu'elle parle parfaitement les deux. Peut-être. Moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'était la Miss qui. Elle parlait toutes les langues. Elle représente quand même la mixité. Enfin, c'est quand même la Miss qui représentait tout. Et on s'est dit, allez, on va prendre celle-là. Bah, et vous, que pensiez-vous, justement, là, des trois Miss, les deux premières, deuxième et la Miss, évidemment, première dauphine, deuxième dauphine. Est-ce que vous trouvez que ça bien, ce classement final, finalement 30-44, vous nous dites. Et puis, merci. Jada pour le petit déj. Oh. De rien, c'est avec plaisir. Lui est en train de bouffer là. Mais ça va, il mange tout là. Et puis et la prochaine fois, t'oublies pas de nous en apporter, Ophélie. Hein, Je sais pas. Bon, comme ça, tu sais quoi. Maintenant, on t'aura dit quoi. Il y a pas de problème. Bon, merci en tout cas d'être passé. Puis bonne chance pour la suite. Merci et à bientôt. Salut, salut. On appelle Aurore. Ah oui, merde. On va appeler Ophélie dans un instant. D'abord, l'infotrafic vite fait avec July. Soyez prudents. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Waterloo. Une bande est obstruée au kilomètre 13.6 et puis accident sur le ring extérieur. Toujours de Bruxelles à hauteur de Machelen. Bande de gauche fermée au kilomètre 36. Prudence aussi, véhicule en panne sur le 411. Luxembourg-Namur en direction de Bruxelles à hauteur de Oulart. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et puis enfin, accident sur la N31 Bruges en direction de Zeebruges à hauteur de Sint-Andries-Bruges. La chaussée est partiellement obstruée. Très bien. 7h45, dans un instant, on appellera Ophélie justement. Je sais pas. Non, mais je te le dis, on va t'appeler dans quelques instants. Donc décroche le téléphone, ce serait gentil de ta part, Ophélie. Et puis on va écouter aussi Katy Perry. Avec The One That Got Away. Ça va arriver juste après ça sur Fun Radio, restez bien là. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473-86-0013. Je passe le meilleur message. Et plein de messages qui arrivent par rapport pas par rapport forcément à Jeanne, mais par rapport aux Miss, puisque Jeanne est avec nous ce matin. Jeanne Moon s'y a fini deuxième dauphine, donc. Et alors un message qui dit: pas parfaitement bilingue pour Aurore et parfaitement inculte pour la Miss, allez voir l'interview culture sur la vidéo Vers l'avenir. C'est trop déconné. C'est Anthony qui avait envoyé le message. Ou encore première dauphine, j'adore, je la veux, j'aimerais lui caresser les genoux. Ou encore Miss Belgique, c'était encore mieux que regarder XXL. C'était Brian de Fléron qui avait envoyé le message. Des gens, merci. Bizarres qui nous écoutent quand même, oui, hein. Merci pour vos messages, les mecs, en règle générale. Katy Perry dans un instant, The One That Got Away sur Fun Radio. Et puis on va écouter maintenant les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. Prends bonne note du numéro, Jacques, tu pourras le donner à Toff tout à l'heure, hein. Donc 0473 86 0013. Premier message. J'y vais. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est très bien. Plein envie de passer des trucs cochons, quoi. Ouais, rappelle-moi. C'est moi, André, ton chéri. Oui. Oui. Et quand est-ce que les mecs vont comprendre que gémir, ça ne fait rien. Une fille pour un mec, oui, mais un mec pour une fille, moyen, hein, quand même. Hein, faut le savoir. Enfin, moins pas que... moyen, juste non. Ah, moins que Jade. Ouais. Ah ouais, donc elle kiffe. Et toi, Ophélie, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire, toi? Je sais pas. Bon, le contrat m'aurait étonné. Allez, deuxième message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. Salut, j'y vais. Ça va, mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Je t'évite. Avec Can You Call Me, en hein, please. Quoi? Eh oui, le relou essaye de parler anglais et ça, c'est beau. Can you call me please? Can you call me please? Ah, d'accord. Bon, ben voilà, retour de la ligne anti-relou dans moins d'une heure. Dans un instant, on va appeler Ophélie qui a terminé. Qui a pas terminé. Elle a pas vraiment commencé. Ouais. Enfin, elle est arrivée finaliste quand même, c'est déjà pas mal. Ah, ben voilà, t'as terminé où, Ophélie, alors du coup? Je sais pas. Bon, ben écoute, on va lui poser la question dans un instant. On va l'appeler après Katy Perry sur Fun Radio. Katy Perry à l'instant sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats, vos iPod Shuffle ou encore vos Ice Watch. C'est les montres. Elles font le tour des continents. On les gravit difficilement, mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? On peut avoir mal justement à cette partie du corps quand on court, par exemple. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. C'est pas vraiment ça qu'on a, mais on a un point de... Et puis sinon, donc il y en a un en Belgique également, mais elle est flamande. Et puis elle peut être à l'os également, hein, si jamais vous voulez la bouffer par exemple, c'est possible. 63-22, c'est 1€ le message, bonne chance tout le monde. Nous avons toujours Jade qui est avec nous, qui a terminé deuxième dauphine. Donc pour ceux qui ne voient pas, j'ai mis la photo sur le groupe Facebook. Donc vous pouvez aller voir aussi sur facebook.com, vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis on va appeler Ophélie maintenant, hein. Je sais pas. Je te le dis, on va l'appeler maintenant. Et donc voilà, Ophélie qui malheureusement ne veut pas venir. Enfin, dis pas qu'elle veut pas, mais à chaque fois elle a un truc à faire. Ouais, genre elle a toujours une bonne excuse. Donc j'ai peur que vraiment elle ne veuille pas, quoi. Donc je suis assez je serai assez déçu quand même. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant, c'est parti. Direction Namur, hein, parce que c'est là-bas qu'elle habite, Ophélie. J'ai peur qu'on tombe sur Le répondeur qui fait je sais pas si je suis là. Oh, ce serait drôle. Allô, Ophélie. Oui. Salut Ophélie, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Je t'appelle avec Jade. Oh, c'est coucou, pas grave. Ophélie. Coucou Ophélie. Non, mais c'est justement pour que tu puisses un petit peu te défendre. Comment ça va Ophélie? Ça va. Bon, bah écoute, je suis content que tu sois content qu'on t'appelle. Mais Jade nous a dit que ça t'énervait qu'on se foute de toi, mais c'est pas méchant, hein. Non, là je m'énerve juste parce que je suis en plein. En plein. Examen. Ah oui, non, mais c'est pas maintenant là. Tu t'es en train de quoi? C'est pas aujourd'hui l'examen, si? Si, je vais. Elle est en plein dedans là, elle a décroché en classe. Ah bah ouais. Mais t'as examen. Non, je vais rentrer en examen en fait. D'accord, t'as examen quoi? 8h du mat? Waouh, c'est tôt. Ouais, non, j'ai examen à 8h quoi. Et t'as examen quoi? Patrimoine. Ah oui, génial. Dis donc, ouais, enfin, tu le rates ou pas, c'est pas très grave celui-là. Bah ouais, en tout cas je suis ravi Ophélie de t'entendre dire autre chose que je sais pas. Tu vois, parce que au final moi j'avais entendu que ça, donc tu vois j'avais quelque chose de relativement fermé à ton sujet. Donc là c'est cool, quoi. Mais tu vois, en même temps ça aurait pu tomber sur Jade qui aurait dit je sais pas et boum on l'aurait pas lâché, hein. Mais pour en là. En fait je pense surtout que il y a eu que 3 vidéos qui se sont publiées. Oui, je sais. Le premier jour, j'ai pas eu de bol, mais ça va, moi je m'en fiche. Eh, mais finalement sur Fun t'es une star, hein. Tout le monde te connaît, hein. Tu vois comme quoi. Ah ouais. Ah bah ouais. D'ailleurs, on aimerait bien que tu viennes nous voir quand même au moins une fois pour dire bonjour. Ouais, mais c'est comme j'ai dit, hein. Bon, là, c'est l'examen. Ouais, bah enfin après les examens, ça va pas durer toute la vie. Ouais, bah on verra, hein. Bon, ah, tu vois, elle veut pas venir. Allez, mais viens avec Jade. Bah reviens avec Ophélie, Jade. On va y aller ensemble. Regarde, Jade, on n'est pas méchants. Moi, je suis là. Non, ils ont même pas encore parlé de mon plongeon. Donc, Ah oui, merde. Faut qu'on en parle de ça d'ailleurs. C'est vrai, ça. Oui, mon. Bah, qu'elle s'est cassée la figure, quoi. Tu vois. Enfin, moi, j'ai tapé Jade Miss Belgique sur Google. C'était Jade se casse la gueule en plein direct. Donc, tu vois, au final, on n'a pas été désagréable. Non, et puis après, il faut qu'on parle aussi des tenues. Oui, bon, enfin bon, ça on en parlera un petit peu plus tard, quoi. Bon, bah écoute, Ophélie, bah tu reviens, bah viens à l'occasion, et puis bah j'espère que tu vas vraiment venir, hein. Ouais, bah, pas de soucis. Avec Jade, y'a pas de soucis. Ah bah voilà, bah très bien. Non, mais avec Jade, c'est oui. C'est pas d'accord. Ce qu'elle nous a dit ce matin, mais enfin bon. On a bien écoute, compris, là. Y'a pas de problème. Bon, bah bonne chance pour ton examen, et puis bah tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, bah merci, c'est gentil. Allez, gros bisous, Ophélie, allez, à bientôt. Bonne journée. Salut, ciao à toi, bye bye. Eh bah, ça me fait plaisir de l'entendre dire autre chose que je sais pas. Tu vois, comme quoi, finalement, c'est possible. Ouais, mais t'as remarqué quand même, si tu vas venir, je sais pas. Ouais, c'est vrai, je sais pas encore. Ouais. Je sais pas. Ah, bah écoute, bah merci, Ophélie. Bon, on écoute les MFAO maintenant, on vous rembourse aux factures juste après. Et puis, effectivement, on parlera de la chute, puisqu'elle nous a tendu une perche. Ah, bah ouais. Bah oui, on parlera de la chute de Jade dans quelques instants. 7h58 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. When I walk on by. I know it. Il est 8h sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures spéciales soldes et ça n'a pas décroché tout à l'heure à 7h10. Nous appellerons donc quelqu'un qui se sera inscrit entre 7h10 et 8h10. Il vous reste donc 9 minutes. Ça se passe au 63-22. Débutez le message par facture. Ensuite, vous mettez solde et je vous rembourse 50€ de solde que vous ayez déjà ou pas encore aidé faire les soldes, justement. Donc voilà, bonne chance tout le monde. 63-22, code facture. Dans un instant. Avant de vous rembourser les factures, on écoutera Chris Brown sur Fun Radio avec International Love. Et puis dans 10 secondes, on démarrera l'actu sur Fun à 8h. C'est l'heure de l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Et bonne année. Toujours pas. Bonne année, oui, bien sûr. Ouais. Toujours pas de financement assuré pour le tram de Liège. Le projet serait loin d'être totalement assuré malgré la décision du gouvernement wallon de réaliser un petit tracé. Le délai de 2017 pourrait par ailleurs ne pas être respecté. Selon le journal L'Echo, la société des techs wallons, la SRWT, a écrit au ministre de la tutelle, Philippe Henry, en pointant une série de questions qui handicapent encore le projet et pour lesquelles elle aimerait avoir des réponses. Par ailleurs, pour le coût de l'exploitation, le gouvernement wallon préconiserait la piste européenne et une intervention des pouvoirs locaux. Or, les transports publics ne sont pas de la compétence des communes. Écolo est attaqué pour concurrence déloyale. Les Verts font l'objet d'une dénonciation auprès de l'auditorat du Conseil de la concurrence pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Un pépiniériste de Malempré dénonce l'opération de distribution gratuite de plants de vigne à grande échelle menée par Écolo. Pour lui, Écolo serait en situation de récidive et le pépiniériste dit par ailleurs se réserver le droit de demander réparation aux verts francophones. Un cambrioleur menace deux magistrats bruxellois. Yves Baupin, surnommé l'Arsène Lupin belge, aurait envoyé des menaces de mort par fax. Les policiers auraient trouvé chez lui une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son intention de tuer d'autres personnes avant de se donner la mort. Yves Baupin serait atteint d'une maladie incurable. Le palais de justice a été placé en état d'alerte. Cet état d'alerte devrait être maintenu jusqu'à ce que Yves Baupin soit localisé et arrêté. Une femme dirigera bien la police fédérale. Sans surprise, c'est Catherine De Bolle, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de la police pour succéder à Fernand Kuckelberg. Cette décision devra encore être entérinée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Mais ce n'est qu'une formalité. Et puis, nouvelle recrue à l'armée pour cette année. Le ministère de la Défense compte recruter quelques 1500 militaires en 2012 afin de poursuivre le rajeunissement de son personnel. Mais par contre, les investissements au cours de cette année seront limités pour cause de budget 2012 plutôt serré. À l'étranger, aux États-Unis, le modéré Mitt Romney a remporté l'élection primaire de New Hampshire, confortant son statut de favori de l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre, selon des estimations des télévisions. Et puis, alerte au tsunami en Indonésie, un séisme de magnitude 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a été lancée par le centre d'alerte du Pacifique. Et il est 8h04 sur Fun Radio, l'heure de passer à la météo. Toujours sans surprise, la journée sera grise et brumeuse avec même du brouillard par endroit ce matin. Les maxima atteignent 6 à 10 degrés, il fait toujours aussi doux. Demain, le ciel sera toujours aussi gris. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que la pluie fera son retour et on va même perdre quelques degrés. Ah bah c'est génial. 8h04, dans un instant, je vous rembourse vos factures, je vous explique comment ça se passe. Et puis, on va également faire l'info en plus avant d'écouter Chris Brown et Pitbull. Ce sera International Love sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h05 sur Fun Radio. Dans quelques instants, je vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. 6322, débutez le message par facture avec le mot solde en plus de facture. Et puis on vous appelle dans quelques instants, peut-être pour vous rembourser vos soldes. 50€ pour aller faire les soldes, ça fait plaisir. Si vous voulez gagner ça, eh bien vous vous inscrivez tout simplement au 6322, code facture, puis vous mettez solde. Solde que vous avez peut-être déjà fait ou pas encore, mais c'est pas grave. On vous remboursera 50€ quand même. Et Jade, t'as déjà fait les soldes ou pas encore toi? Non. Pas encore? Non. Et un truc que t'as envie d'acheter là? Non. Non, rien de spécial? T'as tout déjà, toi, t'es blindé. Non, pas du tout. Elle a peut-être reçu des fringues. Oui, bah probablement, ah, oui. Moi, j'aurais été tellement comment chanceuse. Non, je voulais savoir si elle avait pu garder ces magnifiques fringues qu'elle a dû porter pendant le. Non, la petite l'émission. Robe beige, ah bah non, là, il faut qui passait tellement bien à l'écran. Ah bah tiens, ah ouais, non, il faut rendre, Je pense, je pense qu'au niveau des couleurs et des coupes, ils ont fait. Ah ouais, non. Ah ouais. On a bien senti l'élection de Miss, tu vois, c'est jeune vrai. Et dynamique. Bon, et surtout avec un budget. En plus, oui. Bon, allez, 6322, code facture, bonne chance. Et l'info en plus, c'est quoi? Eh bien, ici, c'est la crise, mais visiblement pas pour tout le monde. La police du Qatar roule maintenant dans des voitures un petit peu particulières. Je vais aller faire policier, moi, au Qatar. Eh bien, ils roulent maintenant en Porsche. Oui, mais c'est ça. Je peux comprendre pourquoi tu as envie d'être policier. Ils ont commandé 15 voitures de cette marque et ils ont défilé le 18 décembre dernier pour la fête nationale au Qatar pour exposer leurs voitures modèle Panamera et Cayenne, quand même. Waouh, ça m'aime pas. Ah oui, ils sont pépères. Hein. C'est juste que dans les autres, c'est un peu compliqué de mettre les mecs derrière. Ouais. Chaque véhicule coûte 100 000 euros pièce. Donc, quand même, 15 véhicules à 100 000 euros pièce. Ouais, ils ont peut-être une petite ristourne. Hein. Peut-être. Je ne suis même pas sûre. Tiens, je ne crois pas que Porsche fait vraiment des ristournes. Donc, voilà, chez nous, on roule dans des véhicules à peu près normaux. Eh bien, au Qatar. Enfin, une Peugeot 107 avec un espèce de malheureux gyrophare dans mon quartier, si tu veux, ça fait quand même pitié. Enfin, bon. Donc, au Qatar, on roule en Porsche. Ça donnerait presque envie de se faire arrêter juste pour monter, c'est vrai. Juste pour monter dans l'une d'entre elles. Oui, c'est vrai. Ça peut être bien, ça. C'est juste que là-bas, une fois que tu descends, ils sont beaucoup moins cool. Oui, beaucoup moins. Bon, 8h07 sur Fun Radio, on va écouter le son de Chris Brown et Pitbull, International Love. Juste après, promis, on vous appelle pour vous rembourser vos factures. 6322, code facture, bonne chance tout le monde. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. 8h10, 7h10, enfin 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle pour vous rembourser vos factures. 6322, code facture, il fallait s'inscrire tout simplement pour qu'on vous rembourse vos factures. On va appeler quelqu'un maintenant en espérant que ça décroche. À 7h10, ça n'avait pas décroché, ce qui est dommage. Et c'est parti, de retour maintenant, si ça décroche et qu'on répond bien à la question, c'est gagné. 50€ pour aller sur les soldes, ça paraît pas mal. Allô? Allô. Allô. Allô. Ouais. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Fun Radio. Et voilà, ça y est, 50 euros qui partent. On va te rembourser ça. Comment tu t'appelles? Frédéric de Lezan-Hainaut. Frédéric Lezan-Hainaut, eh bien, bienvenue à toi, Fred, et bravo à toi. 50 euros, on va te rembourser ça. C'est pour aller faire les soldes ou tu les as déjà faites? Déjà faites. Déjà faites. Qu'est-ce que t'as acheté? Un appareil photo. Un appareil photo? Ah bah, très bien. Ah bah, tu vas pouvoir travailler avec Jade, tiens, qui veut faire photographe comme ça. Hop là, une paire de coups, tiens. Ça peut être un bon plan. Un grand merci. Eh bah, je t'en prie, Fred, tu vas rester au standard. On va te rembourser tes 50 euros sans souci. Tu l'as eu à combien de pourcents, l'appareil photo? Je sais pas dire. On a payé 400 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est photo, c'est un bel appareil photo. Ouais, c'est une belle bête. Hein. Eh bien, écoute, Fred, il n'y a pas de problème. 50 euros de moins, ça fait toujours plaisir. On va t'envoyer ça. Je te souhaite une bonne journée, une bonne année. À bientôt, Fred. Ouais, merci à toi aussi. Salut. Ciao à toi, Fred. Et puis, en parlant de jeu, justement, on fera le Frit Code Game aussi tout à l'heure. 63-22 code Frit, si vous voulez vous inscrire. On refera un petit tirage là pour les factures tout à l'heure. Et puis, je vous rappellerai dans un instant, une dernière fois, la devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats, vos iPod Shuffle ou encore avec vos Ice Watch. Ce sera à vous de choisir. On parlera de la chute aussi de Jade dans quelques instants, hein. Et puis de Wanted aussi, ça va arriver juste après la pause avec Lightning sur Fun Radio. Bon réveil, il est 8h12, c'est mercredi 11 janvier ce matin. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock, tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. 8h17 avec Big Time Rush et Snoop Dogg. Dans un instant, ce sera Boyfriend. Il y aura aussi David Guetta et Saya avant 8h30. L'heure de retrouver l'actu avec Julie, bien évidemment. Et puis, nous avons aussi la devinette qui colle. Ça, c'est pour repartir, et bien tout simplement, avec vos écrans plats. Ou alors, il y a également les iPod Shuffle ou encore les Ice Watch, les nouvelles montres. Alors, attends, enfin, nouvelles. Bon, c'est déjà un petit temps, mais enfin, bon, elles sont. Alors, on offrira des neuves, ça, je veux dire. Alors, ah, attention. Pas des vieilles trouvées dans un coin. Hein. Non. Sûr. J'y ai pensé. Non, en fait, non. Attention, devinez qui colle, il faut y répondre. Elles font le tour des continents, on les gravit difficilement, oui, c'est ça. Mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? Voilà, elles peuvent être à l'os. En Belgique, il n'y en a qu'une et elle est flamande. Un indice éventuellement donné, Jade? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, très bien. Ophélie, peut-être, je sais pas, un indice aussi, peut-être? Je sais pas. Ah, décidément, on n'a pas de chance. Tof, un indice? Je sais pas. D'accord, Julie? Je sais pas. Si Tof sait pas, moi je sais pas non plus. Bon, et Lob? Ah, je sais pas. D'accord, okay. Bah, tant pis alors. Hein. Ophélie, je retente? Je sais pas, non, je sais pas. Il n'y a pas de quoi rire, hein, c'est pas très grave. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, 63-22, hein, vous mettez la bonne réponse par SMS, c'est 1€ le message, et on vous appelle en direct dans quelques instants pour vous offrir votre écran plat, votre Ice Watch ou votre iPod Shuffle. Vous gérerez ça, bien évidemment. Bonne chance tout le monde. Alors, parlons maintenant de Jay-Z aussi, vite fait là. Oui, rapidement, Jay-Z quand même, qui a, tu sais, les faire-part qu'on fait en général quand on a la naissance d'un enfant, mais ouais. Les stars font tout autrement, évidemment. Ah, bien sûr, oui, c'est évidemment. Normal, donc, ce sont des stars. Donc, Jay-Z a publié une chanson, bien évidemment, Jay-Z, qui est le mari de Beyoncé, qui a donné naissance samedi soir à sa petite Blue Ivy. Yeah. Et donc, sa petite chanson s'appelle Glory, et là-dedans, il fait quand même une révélation apparemment. Il a trompé, aurait non déjà fait une fausse couche avant de donner naissance à son enfant. Alors les paroles, c'est exactement: la dernière fois, la fausse couche était si tragique, nous avions peur que tu disparaisses. Oh. Et donc voilà, il l'a décrit aussi comme sa plus belle création. Donc je pense que c'était absolument important que j'en parle aux auditeurs. C'est vrai, effectivement. Voilà. Et autre point aussi où il est important d'en parler, c'est la chute de Jade. Alors, mais comment ça s'est passé cette chute? Parce qu'effectivement, on peut le voir sur Internet, mais. En fait, j'étais donc derrière. Donc Jade la scène. Est deuxième Miss Belgique, deuxième dauphine de Miss voilà. Belgique. Il faut le préciser pour ceux qui débarquent, on ne sait jamais. Et on était là. On me dit, vas-y, go, c'est à toi. Alors je fais ok. Alors je devais aller toute seule sur la scène, parler. C'était déjà super stressant. Et en un coup, mon pied sort de la chaussure et en voulant le remettre en appuyant, ben. Le drame. J'ai une question. Quelle personnalité tu avais choisi toi encore? Romy Schneider. C'est ça, Romy Schneider. Il y en a quand même qui avait choisi Angelina Jolie et des trucs comme ça. Hein. Bah oui, écoute. De toutes les personnalités du monde qui ont écrit l'histoire, il y en a quand même qui ont choisi Angelina Jolie. C'est ça, alors qu'on aurait dit Tof. Il y avait Brad Pitt. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on aurait pu. On vous imposait en fait les personnalités, ou pouvait choisir. Non, du tout, on pouvait choisir. C'est le seul truc qu'elles ont pu choisir, donc. C'est déjà pas mal. Bah, Jeanne, en tout cas, merci d'être venue. Et puis, bah, du coup, tu reviens la prochaine fois avec Ophélie, on compte sur toi. Ça marche. Hein, c'est toujours d'accord, Ophélie, hein? Je sais pas. Bon. Et ouais, elle a déjà changé d'avis. Non, on va pas lui faire confiance. Elle l'avait dit, je sais pas. On va pas lui faire confiance. Bon, bah en tout cas, à bientôt. Puis bon retour, merci. Bon, toi, faut bouffer tout le petit déj, donc comme ça, c'est fait. Non, il reste un demi-croissant. Ah, oui, oui, c'est ça. Donc il reste plus grand chose. Ah, hein, il y a un chocolat. Ouais, ouais, bah ouais, mon frère. Julie n'a pas encore osé manger. Ne t'inquiète pas. Ah, j'ai déjà mangé un, moi. Elle va le déglinguer dans quelques instants. Merci, Jade, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, à bientôt. Salut. Et puis dans un instant, nous allons jouer au Frites Code Game. Si vous voulez jouer avec nous au Frites Code Game, 6322, vous débutez le message par frites, tout simplement. On joue dans un petit instant. Après Big Time Rush et Snoop Dogg sur Fun Radio, c'est Boyfriend. Il est 8h20, bon réveil. 8h24 sur Fun Radio, bon réveil à tout le monde. David Guetta dans un instant avec Saya, ce sera Titanium. Et nous allons jouer maintenant au Frites Code Game. Jouons au Frites Code Game maintenant. Allo, allo, avec Thibaut qui est là, 23 ans de Bruxelles. Salut Thibaut. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Thibaut? Ah bah ça va. Eh bah écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Bah tant mieux. T'es en stress, c'est ça que tu dis? Non, non, je vais au travail là, donc ça va, je suis sur la route d'aller au travail. Eh ben écoute, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la télécommunication. Télécommunication, d'accord, ok, très bien. Bon, nous allons jouer au Frites Code Game. Je suppose que tu connais le principe du Frites Code Game. Ouais, je connais. Ouais, ouais, ouais. Eh ben écoute, tant mieux, je vais quand même le répéter pour ceux qui débarqueraient, qui écouteraient l'émission pour la première fois. Le Frites Code Game, c'est relativement simple. Il y a 4 thèmes, 4 questionnaires, on va dire différents, qui va du plus simple au plus compliqué. Et du coup, fatalement, de cadeaux, des plus petits cadeaux aux plus gros cadeaux. Alors, il y a le petit paquet, le grand paquet, le durum ou encore la mitraillette. Que choisis-tu comme style de question, Thibaut? Je vais prendre le Durum. Le Durum, donc c'est le troisième. Ouais, troisième plus compliqué. Donc c'est parti. Jouons maintenant avec le quiz Durum. Je te rappelle qu'il faut faire minimum 3 sur 5 pour repartir avec les cadeaux, d'accord? Ah, ok, pas de quoi. Allez, c'est parti, on y va. Attention, jouons maintenant au Frites Code Game. Vous voulez le générique ou pas? Ah oui, non. Allez, si. Non. Oui, allez. Non, c'est parce que j'ai la question. Non, mais je ne connais pas encore. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des trucs. C'est avec Freshman. Cassoulet dans les baraques à frites dans toutes. Allez, faut chanter Thibaut. On te servira bien vite et en toute saison. Des frites avec un petit pain. Des frites. À que ça fait du bien. Des frites. Du soir au matin. Des frites. Avec tous les copains. Ça fait bien. Et bien Blair, lui. Bon, allez, c'est parti. On y va. Première question. Écoute bien, il faut répondre du tac au tac. Hein. Quand il se promène dans la rue, le chanteur Pitbull doit porter une muselière. Tac au tac. Ouais, faux. Faux, bon, non, c'était une bonne réponse également, effectivement. Quand on a 5 as au poker, on dit qu'on a. Un full aux as. Non, tricher, car c'est 4 le maximum. Combien faut-il d'équipes de basket pour faire une équipe de rugby? 2, non 3 malheureusement, t'étais pas loin, mais c'est dommage. Attention, faut plus perdre maintenant. Hein. Que collectionne un tyrosémiophile? Les plans cul à 3 ou les étiquettes de fromage? Les étiquettes de fromage. Mais oui, bonne réponse, exactement. Donc quand on est tyrosémiophile, on collectionne les étiquettes de fromage. Il fallait le savoir. Mais n'importe quoi. Et enfin, la dernière question. Qui a découvert la maladie d'Alzheimer? Alzheimer. Monsieur Alzheimer. Oui, c'est oui ça, le docteur Alois Alzheimer, effectivement. Bonne réponse. Bravo Thibaut. Tu repars avec les cadeaux. Et ben voilà, tu vois 3 sur 5. C'était le minimum syndical malgré tout. Hein. Bien joué. Bien joué. Ouais, ouais. Et ben voilà, écoute, bravo à toi Thibaut. Tu vas rester au standard. On va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ton cadeau, l'iPod Shuffle, la couleur de ton choix. Tu vas gérer ça avec l'ami Love. D'accord? Ok, parfait. Merci Salut beaucoup. Et merci d'avoir joué au Frites Code Game. Allez, passons maintenant. Oui, les frites Thibaut. 8h27, c'est bien d'y penser. On va écouter David Guetta maintenant avec Titanium. Juste après, on passe au flash. Ce sera avec Julie, avec comme d'habitude les mauvaises nouvelles et les mauvaises nouvelles. Je fais ce que je peux. Ouais, écoute. David Guetta sur Fun Radio à l'instant avec Saya et Titanium. À suivre, Britney Spears dans le prochain quart d'heure avec Criminal. L'info également et puis la réponse bien sûr d'abord avec Didier qui est avec nous de Villars-la-Ville. Salut Didier. Oui, bonjour. Comment ça va Didier? Ça va. Bon, eh bien, tu as la réponse, toi, à la devinette qui colle. Alors, je vais le répéter quand même. Elles font le tour des continents, on les gravit difficilement, mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? La côte. Bah oui, la côte, les côtes, effectivement, tout à fait. On en a dans le corps humain. La côte en Belgique est flamande, je l'avais dit. On peut aussi manger des côtes à l'os, tout simplement. Eh ben écoute, Didier, bravo à toi. Tu vas repartir avec les cadeaux. Tu vas gérer ça avec la Milop. Tu veux quoi, Didier? L'iPod Shuffle, Icewatch, tout ça. Tu prends les couleurs que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Oh bah écoute, tu vas gérer ça au standard avec l'OB, d'accord? Ça va, ok. Merci. Allez, salut Didier, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Salut Didier. Et notre invité mystère, ah, franchement, j'aurais bien tenté avec elle, mais j'ai peur que ce soit un peu trop simple. Oui. Qui est notre invité mystère? Ouais, on va le faire, on va le faire. Allez, à votre avis, quel est notre invité mystère? Voilà. Si vous avez une idée, en tout cas, elle-même ne sait pas qui elle est. Je vous répète, qui est notre invité mystère? Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des écrans plats, iPod Shuffle de la couleur de votre choix ou des Icewatch à gagner, je vous le remets, notre invité mystère de ce matin. Voilà, la bonne réponse au 63-22. Allez, dans un instant, Bob Sinclair avec le Colonel Rayel, chanson préférée de Julie. Elle kiffe, elle est déjà en train de danser, de ruer le fion, tout ça, ça va être énorme. Je vais aller faire un petit tour. Grave. Minette à Gangsta, c'est juste après l'info à 8h32 sur Fun. Bonjour à tous, c'est Colo est attaqué pour concurrence déloyale. Les Verts font l'objet d'une dénonciation auprès de l'auditorat du Conseil de la concurrence pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Un pépiniériste de Malempré dénonce l'opération de distribution gratuite de plants de vigne à grande échelle menée par Écolo. Pour lui, Écolo serait en situation de récidive. Le pépiniériste dit par ailleurs se réserver le droit de demander réparation aux Verts francophones. Les acteurs concernés par le dossier des fameuses prothèses mammaires PIP ont confirmé les recommandations aux femmes porteuses de ce type d'implant. Consultation avec le médecin si les implants sont de la marque PIP ou prise de contact avec le chirurgien en cas de doute sur l'origine des implants. Une autre réunion sera organisée prochainement et un groupe de travail sera également convoqué pour établir les mesures en vue de la réalisation du plan d'action annoncé par la ministre de la Justice, Laurette Anckolinx. Un cambrioleur menace deux magistrats bruxellois. Yves Baupin, surnommé l'Arsène Lupin belge, aurait envoyé des messages de mort par fax. Les policiers auraient trouvé chez lui une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son intention de tuer d'autres personnes avant de se donner la mort. Yves Baupin serait atteint d'une maladie incurable. Le palais de justice de Bruxelles a été placé en état d'alerte. Cet état d'alerte devrait être maintenu jusqu'à ce que Yves Baupin soit localisé et arrêté. Une femme dirigera bien la police fédérale. Sans surprise, c'est Catherine De Bolle, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de police pour succéder à Fernand Kuckelberg. Cette décision devra encore être entérinée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais ce n'est qu'une formalité. Nouvelle recrue à l'armée pour cette année. Le ministre de la Défense compte recruter quelques 1500 militaires en 2012 afin de poursuivre le rajeunissement de son personnel. Mais par contre, les investissements au cours de cette année seront limités pour cause de budget 2012 plutôt serré. Aux États-Unis, le modéré Mitt Romney a remporté l'élection primaire du New Hampshire, confortant son statut de favori de l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre. C'est donc lui qui devrait être opposé à Barack Obama. Et puis, alerte au tsunami en Indonésie. Un séisme de magnitude 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Une alerte au tsunami a été lancée par le centre d'alerte au Pacifique. Il est 8h34, l'heure de passer à la météo. Eh bien, la météo va être une fois de plus pas très originale. Hein, donc, plutôt un temps gris, plutôt un temps brumeux et un petit peu de brouillard ce matin. Les maxima toujours assez doux, de 6 à 10 degrés. Demain, le ciel sera toujours aussi gris. Par contre, la pluie fera son grand retour et puis on perdra même quelques degrés. Eh ben voilà, dans un instant, Bob Sinclair sur Fun Radio. Il y aura Britney Spears aussi avec Criminal. Et puis, passons maintenant à l'info en plus. J'ai une bonne nouvelle pour tous les paresseux et j'imagine que l'OB doit être un paresseux vu son tour de taille. Oh oui. Oh, il va te taper. Il n'a pas compris. Ouais, non, je vais te calmer. Voilà. Ah, Julien est squelettique. Donc, c'est une blague. Tu connais le programme Siri pour iPhone 4S. le programme de commande vocale. Donc tu dis à ton iPhone, bah, quel temps va-t-il faire demain? Et puis il donne la météo. Et bien maintenant, bientôt. Tu demandes si Julie est chiante. Ah oui, mais je pense qu'il va te répondre. Ouais, mais là, il va dire, mais attends, pourquoi tu me poses cette évidemment, question? Évidemment, ça tombe sous le sens. Il va t'agresser. Ça tombe sous le sens. Alors bon. Bientôt, le téléviseur avec la voix pour seule télécommande. En fait, on va pouvoir rester dans son canapé et on va pouvoir commander sa télévision uniquement par la voix. Donc, ça, par exemple, cool. mets-moi France 2, mets un peu plus fort, enregistre ce programme. Et ça devrait arriver dans le courant 2012. Donc, un petit assistant personnel à commande vocale pour téléviseur. Sauf que je ne regarde jamais la télévision, Julie. Je ne regarde que des vidéos sur Internet. Oui, illégalement. Donc, si vous voulez venir le coffret, 33 oui, télémac à 11 dans l'an de Bruxelles, n'hésitez pas, la police, on vous attend, il n'y a pas de problème. Hein. Nous aussi, on peut rendre service. Hein. Nous sommes un peu les justiciers. Bon, allez, notre invité mystère. Quel est notre invité mystère pour repartir avec vos iPod Shuffle, vos écrans plats ou encore vos Ice Watch? Écoutez bien. Voilà, si vous avez une idée, on proposait Jennifer, ce n'est pas elle, Clara Morgan, Julie, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais non, Evangélie, ah oui, là par contre, on peut dire qu'effectivement, il y a une ressemblance, hein, une ressemblance flagrante. Alors, on proposait un prénom avec deuxième dauphine. Bah non, parce que Jade, elle est là, elle peut pas être partout. C'est pas toi, Jade? Non. Non, on est d'accord. Tania, tu sais qui c'est? T'as un indice, non? Qui? Ça, de qui est notre invité mystère? Ah non, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? Attends, je le remets. Attends une seconde. Non. Voilà, on n'a pas d'idée. Je peux donner un indice peut-être, moi. Oui, elle habite à Namur. Voilà. Bon, c'est si vous avez une idée, c'est notre invité mystère qui vous permet de repartir avec des cadeaux ce matin. Hein. Je vous donnerai peut-être un autre indice d'ici quelques instants. Voilà, si vous avez une idée, 6322, c'est 1€ le message, on le remet. Voilà, allez, bonne chance. Sinon quoi? Non, j'allais dire sur Twitter, il proposait. On pense que c'est Julie qui est plus ou moins notre Miss. Ah non, pas du tout. Mais effectivement, elle a participé à Miss. Allez, Bob Sinclair et le Colonel Rayel maintenant. C'est Mila da Gangsta sur Fun Radio, il est 8h37. Bon réveil tout le monde. 8h39 sur Fun Radio et Britney Spears. Notre invité mystère, vous avez eu un petit peu de galère quand même. C'est bizarre, moi je pensais que ça allait donner justement là. Je vous le remets là. Votre avis, qui est notre invité mystère? M'ont proposé Julie Tatou. Je connais pas. Mais si vous savez qui c'est, n'hésitez pas. Ce n'est pas Julie Tarton non plus. Miss Belgique non plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme proposition? Evangélie, j'avais déjà lu. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Invité mystère, Julie Tarton. Non. Eh oui, toujours pas la bonne réponse. Bon, il y en a quelques-unes. Hein. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Quel est notre invité mystère? Attention, je le remets. Allez, deuxième indice. Je sais pas. Ah, enfin, si elle sait pas non plus, on n'est pas bien avancé. Hein. 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance. Écran plat, il y a des Ice Watch à gagner ou alors des iPod Shuffle. Bonne chance. Et on va faire les déclarations express maintenant avec Didier qui est avec nous, 41 ans, de Bruxelles. Dis donc, bien vieux Didier. Hein. C'est sympa. Comment ça va Didier? Très bien, merci. Bon, bah, bienvenue à toi Didier, ça fait plaisir. Est-ce que tu as déjà fait ton testament? Bon, c'est non, drôle, ça, Toff. Enfin, oui, presque, je pense, oui. Mais tu fais bien. Cela dit, vaut mieux toujours le faire. Hein. Oui, c'est clair. Bah, tant qu'à faire. Bon, Didier, on va donc appeler qui pour faire une déclaration express? On va appeler Enza. Enza, très bien. C'est qui? C'est ta femme, ta copine, ta future femme, ton ex? C'est ma compagne. Ta compagne, future femme, a priori. A priori, oui, faut-il encore qu'elle accepte pour ça? Oui, bah c'est ça, c'est ça. C'est là tout le problème. Bah oui, c'est ça, c'est là tout le problème. Quoi, tu vas faire la demande maintenant là ou? Non. C'est jamais. Ah, surtout pas, oh là là. Ah, parce que j'en ai super emballé. Parce que j'en ai 4 autres là derrière, donc il s'agirait pas non plus qu'elle me prenne la tête. Hein. Il a un rêve, Didier. C'est ça. Bon, Didier, on y va, déclaration express. On appelle ta compagne maintenant et dès qu'elle décroche, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire et nous on dégaine derrière, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on l'appelle. Elle est aussi à Bruxelles, elle? Oui, tout à fait. Ok, nickel. Là. Eh ben, parfait. C'est parti, on y va. On écoutera Britney Spears après. Peut-être. Bon, si c'est le répondeur, tant pis. Hein. Tu laisses un message sur le répondeur, on fera avec. Ok. Allô? Amore? Oui? Oui, écoute, j'ai un truc à te dire. Oui? Girl, depuis toi, je ne vois plus les choses comme avant. Et quand je t'ai vu, moi, je t'ai voulu directement. J'avais la dalle, mais comme mon pote flashait sur toi, je me suis dit, sur la béquille, je dormirai. Ouais, j'étais amoureux. cette belle déclaration exprès. Il faut savoir que l'homme était en train de faire du playback dans le studio. Hein. Oui. Ouais, faut le savoir, faut le savoir. Alors qu'est-ce que tu en as pensé, Enza? Waouh. Oh, waouh. Oh, ça y est, ça a fait l'effet escompté pour une fois. Ouais, ce soir, Didier, ça faisait 2-3 jours que j'étais un petit peu... Un peu mauvais. Hein. Là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ben voilà. J'étais mal compris. Ce soir, c'est la fête de Didier. Eh oui, Enza, cette belle déclaration de Didier. Ben voilà, je sais pas quoi dire, j'en perds mes mots. Eh ben, ne dis rien et agis. Ne dis rien, tu lui feras un gros câlin ce soir. Voilà, tout simplement. Bon ben, c'est super gentil. Eh ben, gros bisous à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, salut à vous. Ciao. Et puis on va écouter Britney Spears maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, je vous donnerai un petit indice par rapport à notre invité mystère. On proposait Benoît Poulvorde, c'est quand même exceptionnel ça. Mais non, c'est pas Benoît Poulvorde, c'est elle. Je sais pas. On l'a eu au téléphone tout à l'heure, là, grâce à Jade. C'est quand même dramatique, elle étudie à Namur. Et la Fémis aussi, hein, cela dit, au passage. Britney Spears sur Fun Radio avec Criminal. Il est 8h46. Bon réveil si jamais vous vous réveillez. Et puis bon boulot, bonne école si jamais vous êtes déjà parti pour bosser. Il est 8h46 et faisons un point maintenant sur le trafic. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Eh bien, accident sur le R8 de Beutering à hauteur de Courtrai Sud en direction de l'E17. La chaussée est partiellement obstruée. C'est juste avant l'accès E17. Et puis bonne nouvelle concernant l'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Machelen. Eh bien, la chaussée à présent libéré. Très bien, 8h46 et ce n'est pas Jade qui est avec nous, qui est notre invité mystère, c'est-à-dire elle. Je sais pas. Voilà, ce n'est pas elle, donc continue à chercher. Hein. Cherchez pas trop loin, on joue avec elle depuis longtemps. Elle a fait Miss, enfin elle a essayé de faire Miss, mais bon, elle a malheureusement échoué en cours de route, mais ça peut arriver à tout le monde. 8h46 sur Fun Radio, Rihanna arrive. Avec We Found Love sur Fun Radio, c'est après ça. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou ce matin sont sur Fun, évidemment. 0-473-86-00-13. Numéro qu'on met à votre disposition si vous voulez vous débarrasser de tous les relous. J'ai d'ailleurs donné ce numéro à Toff, n'est-ce pas? A priori, je pense. Oui, oui. Bah oui. 0-473-86-00-13. Je lui ai laissé un message, elle m'a jamais rappelé. Bah oui, mais ça, c'est normal. Ouais, je suis très déçu. Bah oui, tu tapes dans le trop haut level pour toi. Hein. Ouais, je sais. Allez, bon, allez, les messages laissés sur la ligne anti-relou, c'est parti, on écoute maintenant le premier. Oui, Séverine, je suis en bas de chez toi, là. Tu m'avais dit de venir pour 8h30. Il est 8h51, ça fait 21 minutes que j'attends ici. J'espère que c'est pas une blague parce que moi Non. Je suis fragile, hein, tu sais bien. Je suis fragile. Maintenant, je vais encore attendre 9 minutes. À 9h, je m'en vais, tant pis pour toi. Tu sais pas ce que tu paies. Ouais, tant pis pour elle. Il faudra plus m'appeler. Ouais, bah, il faudra plus m'appeler. Il est vénère en plus. Hein. Ah non, il est pas. Oui, non. Ah ouais. Il est super bien. Quoi. Allez, deuxième message. Ouais, allô, Mariam. C'est pour te dire que ici, j'ai de prod sur la table, j'ai de prod. Plaid est partout dans ma chambre. Tu vas même plus savoir où est-ce que tu es. Ici, je vais te chauffer à crever. Demain, ben, j'espère que tu seras là. Parce que tout ce que je vais te dire, ben, j'ai envie de le faire. On a compris. Donc, ici, ben, prépare-toi, parce que demain, ça va chauffer. Je vais exploser mon lit avec toi. Ça fait un mois que j'ai plus rien fait. Et tu vas voir, je vais bien tirer ma crosse pour voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce ragard? Ça vous fait rire. Hein. Ça, ah bah oui, c'est, oui, ça bah vous oui, fait rire. Il a toujours bah une sûr. Classe comme ça, ça bah c'est oui, ce qui nous plaît. Hein. Bah bien sûr. J'ai remarqué qu'il y a eu un clivage à la fin de ce message. Hein. Que nous, ça nous a fait rire et les filles beaucoup moins. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, bah voilà, numéro de la ligne anti-relou. Vous avez vu, quelqu'un a été sauvé. 0-473-86-00-13. C'est Rihanna maintenant, 8h53. 8h55 sur Fun Radio et on va continuer à appeler des gens donc avec Toff puisque bah, ce matin on s'est décidé à aller vérifier si les vieux étaient heureux. Bah exactement, on avait appelé tout à l'heure, ça s'était plutôt mal passé à Fourrières. Oui, voilà. On peut le dire. Ouais, je propose qu'on appelle à Oudanguin. Oui. Parce que t'es tombé sur une enquête qui dit que apparemment les vieux seraient plus heureux, plus optimistes. Non, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, plus on devient vieux, plus on est heureux et ça semblerait être dû au fait que bah, les vieux sont plus optimistes parce que bon, ils savent que c'est bientôt la fin. Merci Toff. Bon, allez, on va à Oudanguin maintenant. Appel, premier passage, c'est parti. Allez. téléphone doit être loin. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, vous m'emmerdez, au revoir. Wow. Elle est sympathique, madame. Peut-être qu'elle écoutait la radio, en fait. Ah, peut-être. Bah, écoute, on va se confirmer, puisqu'on va donc rappeler maintenant. Oh là. T'as appelé un home, en fait. Bah, écoute, je sais pas, mais bon, juste le bonjour, vous m'emmerdez, c'est quand même violent. On y retourne. Quel accueil. Ah oui. Oui, bah, des tapas, hein. Oui, non, parce qu'en fait, je vous appelais pour savoir si vous étiez heureuse. Très. Hein ? Elle était bonne dormir. Elle dort tard, madame. Dormir. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Fait, c'est ? J'ai pas compris. Ouais, fait. Fait. Ou fuck, elle a dit peut-être. Ah, peut-être. J'ai compris crève, moi. Crève, peut-être. Bon, on rappelle. Oh, quelle horreur. On rappelle une dernière fois, c'est normal. Allez hop, on y retourne. Bon alors, le téléphone s'est pas envolé quand même. Non, mais. On fait une petite blague. Elle est jusque-là. Hein. Ah oui, mais bon. Déambulateur. Allez, réponds, ou donc. Allô, oui. Oui, alors ça ne me dit toujours pas si vous êtes heureuse ou pas. Non, je dis, ça ne me dit pas si vous êtes heureuse ou pas. Dites, écoutez, foutez-moi la paix, elle dit, je commence à rigoler, vous savez, moi. Vous me souhaitez une bonne année 15 jours avant. Avant ? Non, je veux juste savoir si vous êtes heureuse. Vous demandez si je suis heureuse. Mais bien sûr, je suis heureuse parce que je suis seule et que je fais ce que je veux. Voilà. Enfin, si vous avez 3-4 000 euros en trop, mettez-les dans une enveloppe, foutez-les dans ma boîte aux lettres. Et puis, bisous. Au revoir. Hein. Elle est énorme. Oui, enfin, c'est surtout, il faut arrêter de boire, maman. 8h58 sur Fun Radio. C'est pas très grave. Hein. Bah, écoute, comme quoi, ça arrive. Hein. Bah, elle était gentille quand même. Hein. Bah, elle a l'air heureuse quand même. Ouais, elle t'a insulté, mais elle était heureuse quand même. Dans un instant sur Fun Radio, Beyoncé. Avec l'Avantab sur Fun. Ça va arriver juste après ça, il y aura l'actu aussi avec Julie. Ne bougez pas de là, on revient après ça. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Hey, it's Jared from 30 Seconds to Mars. And the one thing I love about listening to my good friend's show, Michael, on the radio, Mickaël, à la radio, is that it puts me right to bed. Bring the beat in. L'excellent son de Beyoncé à l'instant sur Fun Radio avec Love and Tap. Dans un instant sur Fun, ne bougez pas, il y aura le son de Licky Lee aussi avec I Follow Rivers. Et puis bah voilà, tiens, I Follow Rivers, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on sait jamais, hein. Les gens qui viendraient d'une autre planète par exemple. Et on fait l'info maintenant avec Julie, avec du retard. Ça n'arriverait pas si elle passait pas sa vie aux toilettes. Mais voilà, ça y est. J'aime beaucoup comment tu essayes de justifier ton retard. N'est pas l'abri qu'elle bien soit. Tenté, ça peut, c'était très drôle. On n'est pas l'abri qu'elle soit malade, hein. Ça fait 5 minutes que je suis ici et que je trépigne. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bah, bien sûr. Allez, 9h03, bientôt on fera les infos à 9h30. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Et bonne année. Une personne s'est immolée par le feu ce matin dans le tunnel de la gare à Amey. Les faits se sont produits vers 5h du matin. La personne serait décédée. Les causes de son geste ne sont pas encore connues. Le passage souterrain est actuellement condamné pour les besoins de l'enquête. Du coup, les navetteurs qui devaient descendre à Amey doivent sortir de leur train via les voies de manière encadrée, assure Infrabel. Le gestionnaire affirme que cet incident n'aura qu'un impact minime sur le trafic. Le nouveau régime fiscal sur les voitures de société risque d'être contourné. Le secteur automobile s'adapte rapidement au nouveau régime. Plusieurs dizaines de milliers de conducteurs de voitures de société vont changer de véhicule en 2012, selon les fiscalistes qui cherchent des moyens de contourner les hausses d'impôts sur les voitures d'entreprise. Le chiffre de 200 millions d'euros que le fédéral espère obtenir grâce au nouveau régime risque donc d'être dès lors revu à la baisse. De nombreux travailleurs qui disposent d'une voiture de société vont acquérir une voiture personnelle. Écolo est attaqué pour concurrence déloyale. Les Verts font l'objet d'une dénonciation auprès de l'auditorat du Conseil de la concurrence pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Un pépiniériste de Malempré dénonce l'opération de distribution gratuite de plants de vigne à grande échelle menée par Écolo. Pour lui, Écolo serait en situation de récidive. En plus, le pépiniériste dit par ailleurs se réserver le droit de demander réparation aux verts francophones. Une femme dirigera bien la police fédérale. Sans surprise, c'est Catherine Debol, candidate favorite au poste de commissaire général de la police fédérale, qui a été choisie par le Conseil fédéral de police pour succéder à Fernand Coucou. Et puis, nouvelle recrue à l'armée pour cette année. Le ministère de la Défense compte recruter quelques 1500 militaires en 2012 afin de poursuivre le rajeunissement de son personnel. Mais par contre, les investissements au cours de cette année seront limités pour cause du budget 2012 plutôt serré. À l'étranger, aux États-Unis, le modéré Mitt Romney a remporté l'élection primaire du New Hampshire, confortant son statut de favori de l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Et puis alerte au tsunami en Indonésie, un séisme de magnitude de 7,3 s'est produit ce matin à 2h37 heure locale au large de la côte ouest de l'île de Sumatra. Il est 9h05 sur Fun Radio, c'est l'heure de la météo. La journée sera grise et brumeuse. Les températures seront assez douces, de 6 à 10 degrés. Demain, toujours de la grisaille, retour de la pluie et perte de quelques degrés. Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et je vous rembourse vos factures dans quelques instants sur Fun Radio. Si vous voulez, pour la dernière fois ce matin, que je vous rembourse vos factures spéciales soldes, eh bien, allez-y, 63-22, débutez le message par facture. Et puis, vous mettez solde juste derrière. Je vous appelle en direct pour vous rembourser 50 euros de facture. Bonne chance, tout le monde. Parlons maintenant, avant d'écouter Likili, de l'info en plus. Eh bien, rapidement, l'info en plus, qui est bizarrement passée plutôt inaperçue. Il s'est passé quelque chose d'assez spécial le 8 janvier dernier, donc c'était dimanche dernier. Une opération qui a rassemblé près de 3500 personnes dans les métros à New York. Et bien en fait, c'était 3500 personnes sans pantalon. Eh oui, c'est original. C'était la journée sans pantalon, la toute première journée sans pantalon, c'était en 2002. Ça s'appelle le No Pants Sobriety Ride. Ça a été mis en place par un collectif, le Improve Everywhere, un collectif friand de flash mob. Et donc voilà, 3500 personnes se sont retrouvées dimanche dernier sans pantalon. La première journée en 2002 n'avait rassemblé que 7 participants, donc belle progression. Ah ouais, c'est pas mal. 500 à New York et des milliers d'autres dans une cinquantaine de villes dans le monde entier. Bah écoute, c'est original, hein, c'est un truc qui n'était pas encore fait, pourquoi pas ? Bah, j'ai envie de dire. Fait, pas encore fait depuis, ça fait quand même maintenant, c'est la 11e édition. Hein. C'est vrai. Bon, enfin bon, ça n'a pas encore été fait, je veux dire, avec autant de monde, avec un succès pareil, enfin je suppose. Ça gagne du terrain. 9h07 sur Fun Radio, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. Donc, facture spéciale solde, je vous rembourse 50 euros cash, que vous ayez ou pas encore fait les soldes. Si vous voulez vous inscrire, 63-22, vous débutez votre message par facture et puis vous mettez solde. C'est aussi simple que ça, je vous appelle dans 3 minutes, le temps d'écouter Likili maintenant, c'est I Follow Rivers. Likili sur Fun Radio à l'instant, il y aura suivre Example avec Stay Awake et puis on aura aussi Goodwill and Hooks and Sling, voilà, avec Take You Higher. Tous les matins, ce genre de nom. Fun Radio paye vos factures. Facile à dire, tout ça, une tuerie quoi. On vous appelle maintenant pour vous rembourser vos factures sur Fun Radio. Vous vous êtes inscrit au 63-22 en débutant le message par facture et puis en mettant le message solde tout simplement. Et bien c'est parti, on appelle maintenant quelqu'un pour lui rembourser 50 euros pour aller faire les soldes. Soit pour aller faire les soldes, soit pour lui rembourser déjà une partie des soldes qu'il a déjà fait ou qu'elle a déjà fait. Pour ça, il faut décrocher et répondre correctement à la question que je vais poser. Allez. En espérant que ça décroche. Allez, encore un effort. Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Ah, bah c'est Fun Radio. Eh oui, effectivement, bonne réponse. Eh bien, merci. Bonjour, comment tu t'appelles ? Ahmed, t'es dans quelle ville, Ahmed ? Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Eh bien, très bien, Ahmed, tu as déjà été faire les soldes ou tu vas y aller ? J'ai déjà été hier. Ah, mais très bien, et t'as acheté quoi ? 4 t-shirts. 4 t-shirts. Eh ben écoute, très bien, on va te rembourser 50 euros pour tes t-shirts, il n'y a pas de souci. Eh ben, je t'en prie avec plaisir, hein, et puis tu reviens quand tu veux, Ahmed. Sois le, passe une bonne journée, et puis sois le bienvenu sur Fun. Également à vous, merci beaucoup. Salut Ahmed, à bientôt. Merci Radio. Ciao Ahmed, à bientôt, bye bye. Bon, et puis les autres, on remet le couvert évidemment demain, ce sera jeudi, dès 6h du mat, on vous remboursera à nouveau vos factures. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on fait dans quelques instants le son d'Example avec Stay Awake, et puis bien évidemment, je vous remettrai un petit coup de notre invité mystère. Beaucoup n'ont pas encore trouvé. Il y en a qui proposaient Justine Dubail. Non, ce n'est pas elle. Hein. Ce n'est pas Aurore non plus, qui a terminé première dauphine. Elle a terminé à quelle place ? Il n'y a pas de place en fait. Hein. C'est... Oh non, une fois que tu es plus loin que troisième, c'est pareil quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, enfin, elle a quand même été finaliste. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans une des misses de cette année. Fille de Belgique quand même. Oui, c'est vrai, effectivement. Je vous remets un petit bout là, à votre avis. Donc, quel est notre invité mystère ? Je sais pas. Bah, elle sait pas non plus, il y a encore un autre indice. Je sais pas. Bon, enfin, cherche un peu mieux. Je sais pas. Bon, bah attends. Si vous avez la bonne réponse, 6322, qui est notre invité mystère? Allez-y, bonne chance. Comme je disais, il y a des Ice Watch, des écrans plats ou des iPod Shuffle à gagner. Allez, on écoute Example maintenant. Stay awake sur Fun Radio. Ne bougez pas. Fun. Nickel à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Je sais pas. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. If we don't kill us, stay awake for the longest. C'est Fun Radio, 9h17, Goodwill arrive dans un instant avec Hook and Sling. Ce sera Take Your Higher sur Fun Radio. Il y aura dans un instant aussi Lucas qui va débarquer pour le self comme chaque matin. Et puis notre invité mystère, vous galérez, je suis très déçu. Je sais pas. Franchement, je m'attendais à plus de réponses, de bonnes réponses que ça. Vous êtes nombreux à donner la mauvaise, hein, comme Poulvord, Miss Belgique 2012, non, ce n'est pas Laura, non. Ce n'est pas Julie Taton, non, ce n'est pas Aurore, non, ce n'est pas Jade qui est avec nous. Elle le saurait quand même si ça avait été elle. C'est pas toi. Ah non. Bah non, forcément, c'est l'autre. Bah oui. Bah voilà, exactement. On l'a eu au téléphone tout à l'heure, on l'a appelée là, on s'amuse avec elle depuis un petit bout de temps. Hein? Elle a le même prénom que Madame Winter. Oui. Facile là. Oui, là, au-delà de ça, ça commence à devenir compliqué. Quoi que, est-ce que les gens savent encore qui est Madame Winter? Mais ouais, elle est passée à la télé il y a pas longtemps là. Ouais, mais enfin, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elle a fait un truc pourri. Elle a refait son nez. Ouais, genre revival, je reviens. Après les seins, pourquoi pas. Ce n'est pas Justine Dubail non plus, je vous le remets. Je sais pas. Voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est une des prétendantes Miss Belgique, bon, qui n'est plus prétendante, mais enfin elle l'a été. 6322, c'est 1€ le message, il y a des écrans plats à gagner, des Ice Watch ou encore des iPod Shuffle. Voilà, alors on va parler maintenant. Ah oui, c'est vrai que hier soir il y avait The Voice sur la une. Et Julie donc qui a passé sa soirée à tweetouiller. C'est un peu devenu un rendez-vous familial. Ben, c'est vrai. Donc alors un petit résumé de la soirée en deux mots. En deux mots, pas mal. Effectivement, deux mots, tu as respecté. Voilà. C'est bien, Julie, bravo. C'est pas mal, il faut merci, le dire. C'est gentil, merci, merci. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été très dur, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai. Savoir qu'elle prépare ce speak depuis 4 jours maintenant. Ah voilà, exactement. Et ben, je suis contente d'avoir pu enfin le pondre. Et je sens qu'il y a vraiment eu un impact. Mais oui, mais je suis d'accord j'ai avec toi. Dit que t'étais qu'une poule. Et il est content, il a fait sa vanne. Il essaye de faire des vannes, mais. C'est plié là. Bon, écoute, il essaie depuis le mois d'août, mais on est au mois de janvier, il va y arriver. Là, elle est vexée. Il va y arriver un jour. Il essaie depuis le mois d'août, mais il va y arriver. Pour une fois que c'est pas toi qui es vexé, cela dit. D'où est-ce que je suis vexé? Dans la chanson justement, on va parler forcément de belles et grandes chansons. Souvenez-vous de ça. Eh bien, vous vous souvenez certainement de cette magnifique chanson. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient. Incroyable talent. Ils sont passés à côté d'une star. Mais oui. La star. Mais maintenant, elle prend sa revanche. Mais elle a raison. Sinon, n'ont pas voulu de la Georgine. Eh bien, maintenant, moi, je vais leur en foutre. Hein, voilà, je vais leur en foutre quand même un petit peu. Et justement, quelle star quand même, puisqu'elle a même été accusée de plagiat. Mais visiblement, Robert, c'est son mari, qui est compositeur aussi d'ailleurs, n'est pas vraiment d'accord. Bah, tout le monde dit c'est Judas de Lady Gaga. Moi, je dis merde, qu'est-ce que c'est ce truc? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est ça, Judas de Lady Gaga. Voilà, c'est oui, ça. C'est quand même connu. Bah oui, c'est connu. Qui ne sait pas ce que c'est? Et ça ressemble fort à ça, hein. Le beat derrière, ouais, peut-être, il y a des voix. Ben, je vois pas trop bien le rapport, hein, je vous l'avoue, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais alors, comme il n'est pas contraire, le Robert, justement, là, il a refait la musique et voici Paulette, nouvelle version. C'est de la balle, non? Un avis, Georgine, éventuellement? On dirait du Guetta. Oui, on dirait. Exactement, oui, on dirait du Guetta, tu as tout dit. Et justement, est-ce que. Bah, un avis, Georgine? Oh bon, dis donc! Ah, ça, c'est sûr, à tous les coups, c'est le tube! Ah oui, ça va être le tube, hein! Bah, je sais pas où, hein! On sent le carton, là! Elle va faire un duo avec le colonel Riel, normalement, bientôt. Écoute, je sais pas avec qui elle va faire son duo, mais si elle pouvait le faire avec quelqu'un de. Une vraie star, je pense que ça pourrait l'aider, effectivement. Et, enfin bon. Bon, et pour ceux qui se demandent pourquoi Paulette, eh ben, en exclusivité, je vais vous donner la réponse. Ça rime, Paulette, ben oui. Tu pollues. Ça rime bien. Voilà. Je crois qu'il est important de lui expliquer ce qu'est une rime. Oui. Ça rime bien. Je pense que tout est dit, hein. Et donc voilà, je vous le remets un petit peu. Ah bah oui, je pense. Ah non, en fait non. Vous avez dit non, je m'en vais. Et ben, revoir Paulette. Hein, à bientôt. Enfin, c'est Georgine plutôt, parce que Paulette, c'est le titre. Ouais. Allez, Goodwill maintenant sur Fun Radio avec Take Your You Higher. Compliqué, surtout le nom. Hein. Goodwill and Hook and Sunshine. C'est compliqué. Donc, c'est vrai, c'est compliqué. C'est dur. Hein. C'est très dur. C'est Fun Radio, 9h24, il y aura Lucas dans quelques instants avec Le Self, Jasmine ensuite avec Pure Dance Floor, et puis bien sûr Evan et la tribu, ce sera à partir de 17h, notamment avec Julien Derien, bien entendu, qu'on va réécouter probablement d'ici quelques instants notre ami Julien Derien, mais avant cela, c'est Coralie qui est avec nous, qui a la réponse à l'invité mystère. Salut Coralie. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Eh ben écoute, ça va bien Coralie. 25 ans, Carolo? Oui. 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi. Et Coralie, tu as la réponse à notre invité mystère. Mais qui est notre invité mystère? Je la remets. Je sais pas. Voilà, est-ce que toi tu sais justement? Oui, Ophélie. Mais oui, c'est Ophélie, effectivement, oui. Qui a fait évidemment Miss Belgique. Enfin, tu vois, qui a essayé, qui a terminé dans les 10 premières, c'est ça, hein, dans l'absolu? Oui. Non, même pas? Finaliste. Il y en a 10 quand même, non? Dans les 15 premières. Comme elle balance. Non, mais dans les 20 premières. Il y en a 20? Ouais, il y en a 20. 20 premières, d'accord, ok, très bien. Bon, et ben voilà, Coralie, bravo, c'est gagné. Tu vas retourner au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer le cadeau de ton choix. Oui, merci. Gros bisous, à bientôt Coralie. Bisous, au revoir. Salut, ciao à toi Coralie. Bon, bah voilà une bonne nouvelle, tiens, une bonne chose de faite. On va s'écouter notre ami Julien Derien maintenant, qui officie donc, comme vous le savez, tous les soirs entre 17h et 20h avec Evan. C'est dans la tribu que ça se passe, je propose d'écouter ça maintenant. C'est Julien Derien, toujours le journaliste qui est toujours en direct des endroits les plus incroyables, mais où il se passe toujours quelque chose. Aujourd'hui est une journée particulière, c'est une journée spéciale. Pour nous en parler, on a Julien Derien en direct par téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Evan et bonjour aux deux Mimi, Mimilan et Oémimi. Mesdames et messieurs, certaines journées de nos calendriers servent à commémorer ou à fêter un événement. Alors hier par exemple, c'était la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Alors j'ai une question, c'était quand l'industrialisation de l'Afrique? Non, parce que... On a bien fait d'avoir fait une journée spéciale, car quand on regarde la gueule du continent, on se demande s'ils ont été industrialisés. Ce qu'on aurait dû faire, c'est la journée du pillage de l'Afrique. Car ça, nous les Européens, on s'en rappelle. Enfin, on n'est pas là pour faire un débat. Non Julien, c'est vrai que vous avez raison sur ce coup-là, on n'est pas là pour ça. Oui, bon, enfin vous dites ça parce que vous êtes incapable de faire un débat sur quelconque sujet. Écoutez Julien, vous voulez vraiment qu'on parle de l'industrialisation du pays africain? Vous voulez qu'on explique que technique et technologie ont été combinées pour permettre un développement plus rapide et spécifique, c'est ça? Au niveau des mines par exemple, l'avantage de l'Afrique, c'est quand même de disposer d'immenses et de précieuses ressources dont l'exploitation pourrait permettre la mise sur pied d'unités de transformation intéressantes, non? Carrément. Bref, moi je trouve que ça pose un souci, les journées mondiales. Par exemple, le 19 novembre, c'était aussi la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Alors quoi, c'était le seul jour où on n'avait pas le droit d'abuser des gamins? Attends, on n'a pas de chance, c'est tombé un samedi. Samedi, c'est le moment où on a envie de se détendre. C'est horrible. Bon, Julien, heureusement qu'on connaît un peu le second degré ici. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait bizarre aujourd'hui, c'est que le son, il résonne, ouais. Vous trouvez pas? Mais j'essaie de régler le truc, mais je comprends pas pourquoi. Ça résonne un peu, là, Julien, il est pas bon le son. Ah, je vous ai pas dit? Non. Ah, le 19 novembre, c'était également la journée mondiale des toilettes. Du coup, voilà. Ah. D'accord, je comprends mieux le mauvais son. Bon. Merci, Julien. De rien. Voilà, Julien Derien ce soir dès 17h évidemment avec Evan et toute la tribu, et puis bien sûr à 20h la libre antenne avec Vince et la B, toute l'équipe bien sûr, pour délirer avec eux et vous inscrire pour parler de tout et n'importe quoi. Dès maintenant, vous envoyez votre message à vince@funradio.be. La bonne journée, Julie. La très bonne journée, Mickaël. Très bien, bonne journée également à Lob et à Toff. Hein. J'espère que Lob va se remettre de cette rencontre qu'il a eue avec Jade. Mais oui, Jade qui est toujours là. D'ailleurs, tu vois, elle attend, on lui a dit au revoir, il y a un petit bout d'un, elle attend après Lob. Voilà. Jade, elle fait beaucoup d'effets. Non, en fait, elle attend Julie pour lui casser sa gueule. Non, pas du tout. Ça peut être drôle, ça. Oh là là. Ça peut être bon. Et toi, va chercher la boue, hein. Bah, évidemment. Ah bah bien sûr. Je vais sortir la piscine, le ring, on est parti. Exactement. Bon allez, passez une bonne journée, bon mercredi. Et puis bah rendez-vous demain à partir de 6h du mat. Salut tout le monde. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique, Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.